Un peu comme le Père Noël, Fun Radio fait sa tournée partout en France. Ce soir, le Night Show est à Bordeaux avec Marion et Anso de 20h à 22h sur Fun Radio. Une soirée de dingue avec vous, Bordeaux. C'est un kiff et c'est cool comme ça de fêter Noël toute la semaine avec Fun Radio. Demain, ce sera JB et Adrien Thomas qui seront à Paris à la Défense pour un party Fun Live. Ça va être énorme aussi. Et là, je crois qu'il est temps de lire de nouvelles anecdotes gênantes du public. Je vous rappelle qu'en début d'émission, enfin avant l'émission, chacun a noté quelque chose qui le concerne, quelque chose dont il a honte sur un bout de papier. On tire au sort et Sébastien, le patron, l'a promis. L'anecdote la plus gênante, celui qui voudra bien se dénoncer, eh bien viendra dîner tout frais payé avec nous à Paris. Yes. Ça c'est cool, Anso, qu'est-ce qu'on a ? Frais payé l'hôtel et tout, puis franchement... Ouais, nous on est quand même des bombes, hein, donc ouais. Ça avec nous. Mais non, c'est pas ça, mais les hôtels sont cool et tout. Bah grave. Alors, anecdote, au bac à l'oral d'espagnol, j'étais en débardeur parce qu'il faisait chaud. Wow. J'ai passé tout l'oral avec un téton dehors. Oh ouais, non. Non, c'est chaud. Attends, non, mais là, c'est là qu'il faut savoir si c'est une meuf ou un mec. Si c'est un mec, c'est pas hyper gênant. Ouais, bah, c'est une meuf, ça devient très gênant. Non, c'est une meuf, c'est une meuf. Ouais, c'est pas mal, mais je crois que j'ai mieux. Je viens de tirer au sort, j'étais tellement bourré que j'ai confondu une passoire avec une bassine pour vomir et j'ai choisi la passoire. Sam, c'est Thibaut, ça. C'est dégueulasse, les gars. Mais qui a fait ça? Quelqu'un veut se dénoncer? Qui a fait ça? Ah, il se dénonce. On dit pas qu'il a gagné, c'est peut-être pas la plus gênante, mais déjà c'est courageux de se dénoncer. Ah, bravo. Comment tu t'appelles? Anthony. Alors Anthony, c'était difficile cette soirée? Oh oui, j'ai pas très très bien dormi. Ah mais la passoire, ça devait être un carnage mon pote. J'ai ouvert le placard, j'ai pris le premier truc que j'ai vu, je me suis couché et... Ah c'est le lendemain, t'as découvert ça? Ouais. Le lendemain, ouais. Le lendemain j'ai vu que c'était une passoire et... Ça a bien fait son boulot, quoi. Ouais, mauvaise idée, quoi. Faites attention avec l'abus d'alcool, ouais. Les bichons. C'est... Déjà, c'est dangereux, puis ça vous met dans des états qui vous empêchent de pécho. Ouais, Sam va te niquer la gueule. J'en ai une excellente. Hein. Vas-y. Je vous le dis, celle-ci, franchement, elle peut rentrer dans le top 2 des plus gênantes. Ah, vas-y. Mon copain et moi avons été surpris par ma belle-mère au lit. Oh non. Ah, ça arrive. Alors, la demoiselle qui a écrit ça, est-ce qu'elle va se dénoncer? Est-ce qu'elle est courageuse? Est-ce qu'elle veut gagner son dîner à Paris? C'est peut-être un mec. Elle se dénonce. Ouais. Enfin, on l'a bien aidé à se dénoncer. Ouais, c'est vrai ça. Elle est toute rouge à peau. Elle est toute rouge, ouais. Comment tu t'appelles? Mélanie. Mélanie, ça devait être gênant. Belle perf. Oui. Bah, fallait lui dire de venir. Et qu'est-ce qu'elle a dit, belle maman? Comment elle a réagi? Bah, elle a ouvert la porte et elle nous a vu, elle a refermé. Ah ouais, mais après, vous en a pas reparlé? Non. Ouais, bah ça va. Et t'as de la chance. Moi, Christina de Bruno dans la radio m'a surprise un jour et elle est restée 8000 ans dans c'est la ça. Chambre. Souvent, tu bloques. Ouais, c'est ça. Mais je suis désolée, je savais pas. Mais dégage. Casse-toi. Peut-être qu'elle aimait ce qu'elle voyait aussi. Hein. Un beau spectacle, bah. Ah oui. Ouais. C'est nouvelle anecdote. Alors, celle-ci est très chelou. Hein. À 4h du matin, lors d'une soirée, j'ai tué un copain. Mais non. Non, arrête. Puis, je l'ai fait cuire pour le manger, il manquait des patates, mais c'était délicieux. Ça, c'est Flo qui a marqué ça, c'est Flo. Non, c'est pas moi, mais c'est très drôle. C'est tellement lourd. Évidemment, c'est Flo. Non, c'est très drôle, je t'aime celui qui a écrit. J'en ai une autre. Une soirée d'anniversaire qui allait se terminer en beauté par l'avenue d'une stripteaseuse. Lors d'ouvrir la porte d'entrée, la dame avait 35 ans de plus que la photo de présentation. Ah, merde. Ça, c'est vrai bon. C'était Anso. Ça, c'est pas mal. Et j'en ai un qui est un peu de saison, qui concerne le ski. Yes. Sur un fou rire, quand j'étais au ski petite, je me suis fait pipi dans ma combinaison. Ah, c'est chiant ça. T'as pas, qui a fait ça? Ça, ah, ça c'est relou. C'est pas gênant ça. Ouais, pipi, ça allez. Peut arriver. Allez. Ouais. Ça se dénonce pas. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, l'équipe, mais pour l'instant, moi, mon top 2, c'est la personne qui a simulé une crise d'asthme pour arrêter de faire l'amour. Ouais. Et la personne qui s'est fait surprendre par sa belle-mère en train de faire l'amour. C'est pas assez ouf ça. Non, le téton dehors est cool. Hein. Ouais. Le téton dehors est plus ouf. Moi, le téton dehors. Ça fait 3. Allez, on en lit une dernière et après, on choisit. Vas-y, Bab. J'ai dormi avec une tétine jusqu'à mes 12 ans. Ah ouais, non, ça c'est. Ah, elle s'est dénoncée. Ah merde. Ah bah oui. Ça casse un mythe, hein. Ah bah pourquoi elle a le droit, pourquoi t'as fait ça? Ça te réconfortait, Louise? Comment? Ça te réconfortait? Bah ouais, à un moment donné, on peut plus s'arrêter. Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. Ça marche. Ah d'accord. Il voyait pas. Ouais. On est tous très gênés, on va retourner. Alors, prochaine anecdote. J'en ai une dernière qui est pas mal. Hein. Arrivée chez une cliente et elle me reçoit en topless. Ah, oh. Et quel genre de cliente c'est ça? Bah oui, c'est ça. Bah, ouais. Quel genre de métier il fait celui-là? Oh, regardez-le. Il est tout confiant. T'es tchatcheur toi. Ah ouais, ça se voyait. Alors, comment tu t'appelles? On dirait... Jean. D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé? Tu fais quoi comme job? Je travaille dans les vignes, je suis chauffeur tractoriste. Ouais. Et ma cliente, elle est à côté de sa piscine. Elle est venue me voir dans les vignes. Nickel. Topless. Ah bah tu t'es régalé. Voilà. Putain. Les yeux quoi. Oui. Ouais, bah oui. Une dernière. Non, mais on va pas tout faire, les gars, il y a Love in Fun. La dernière. Énorme. À ma désintégration, soirée étudiante, j'ai été élu le cul le plus remarquable de ma promo. Je veux voir ce cul. J'en étais tellement fière que je l'ai montré à tout le monde. Ah, oh yes! Ça va lancer! Le plus beau cul. Ah bah ouais, pas mal hein. Ah ouais. Mais c'est un jeune homme hein, je précise, jeune homme en chemise bleue, comment tu t'appelles? Ah ouais, Enzo. Et Enzo, comme ça on est fier de son boule. Allez, monte ton cul. Bah, en vrai. Me tente pas. Bah. Mais raconte tout. Eh ben je suis très gêné. On veut pas le voir tout nu. Non. D'ailleurs, très bien. Oui. Non mais franchement bravo hein, belle performance. Ouais. En vrai, c'est la fois la plus gênante mais aussi j'en suis fier. Bah oui, je comprends. Attends. C'est dire que j'ai le cul le plus beau de ma promo. Eh ben franchement bravo. Vas-y, toi qui en fond. Fais-nous un petit défilé. Alors là, j'en ai une, mais là, c'est la dernière. Hein. Mais ouais, j'arrive pas à bien lire. Lors d'une soirée, je me suis fait tatouer le prénom d'une personne que je ne connais pas. Ah ouais. Oh là là. Non. Ah, c'est pas là-bas. Ah bah pour moi, ça c'est l'anecdote c'est de la soirée. Ah, il est là-bas, il est tatoué. Ah, mais je veux voir le tatouage. C'est l'anecdote de la soirée, les gars. Et si c'est toi, mon pote, tu gagnes le dîner à Paris avec toute l'équipe du Night Show. Et dans un instant, on va accueillir Love in Fun, hein, qui vont reprendre le relais avec vous jusqu'à minuit. Comment tu t'appelles? Clément. C'est toi, Clément? Oui. Fais voir ce tatouage. Oui. Attends. C'était là, je l'ai fait recouvrir. Ah, ça compte pas. Et c'était quoi le prénom? Benjamin. Eh ben, et franchement, c'est énorme. Est-ce que ne me demande pas qui est Benjamin. Non, je te demande pas. J'irai pas jusque là. Est-ce que tu sais maintenant qui est Benjamin? Je ne sais toujours pas. Ah d'accord. Okay. Je sais que j'ai pas couché avec, c'est déjà pas mal. Et tu sais quoi? Viens à Paris, on fait un dîner et on part en enquête sur savoir qui est ce Benjamin. On peut le savoir, ouais. D'accord. Et tu sais qui est Christophe? Pourquoi? Non, bah on va te le tatouer tout de suite. Allez, c'est parti. Eh hey, les gars, c'est Benjamin. Enfin, c'est notre pote qui a gagné. Ouais, avec son tatouage Benjamin. Bravo Bichon, on va prendre tes coordonnées, surtout tout le public. Si vous avez décidé de sortir juste après, vous désignez bien votre Sam, celui qui conduit et celui qui ne boit pas. Il était avec nous toute la soirée et franchement il parle pas mais il est vraiment sympa, ouais. Et une bonne bouille. Ah, c'est un mec super. Ça a été incroyable de passer ce Christmas Tour avec vous. On va remercier évidemment toute l'équipe de Jump Arena qui nous ont organisé, qui nous ont aidés pour cette émission spéciale. Il y a Christophe, il y a Laurent, il y a Valentin, il y a tout le monde, il y a Lucas. Merci les potes. Merci beaucoup, merci aux équipes techniques aussi, hein, aux équipes de la promotion, de production de Fun Radio. Thibaut, Lolotte, Marion Donner, tous on vous embrasse. Confie-nous. Bah ouais, merci l'équipe du Night Show. Et merci surtout à vous, là, les auditeurs, vous tous qu'on a eu ce soir. C'était génial au 01 42 48 5000. Et vous, le public, du bruit pour vous quand même. Hein. Ah ouais, franchement. Merci, c'était énorme. Et là, tout de suite, c'est Love in Fun. Comment ça va, Karel et tout le monde? Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir tout le monde. Salut. Ça va les amis? Écoute, ça va très bien. Bordeaux, maintenant, on va peut-être aller faire un petit peu la fête. Mais voilà, c'est ça. On veut savoir ce que vous allez faire là. Bah, on va faire la teuf. Oh, ça va, monsieur, je veux tout savoir. ouais, non, parce que qui a les chambres d'hôtel de qui a l'intention de dormir avec qui? Ce genre de petits détails croustillants, on aime bien, nous. Alors, je crois que tu sais ce soir. C'est nos limites. Tout est possible. Et tout ce qui se passe à Bordeaux, reste à Bordeaux. Non, nous on vous débriefe tout dimanche. Pas de galère. Okay. On vous embrasse et on embrasse aussi Seb et Tristan, nos boss. Franchement, c'est cool. Ça nous permet de faire des trucs cool. Et ben voilà. Des gros bisous. Bisous les filles. Bisous. Salut. Bonne émission. Tous les soirs, plus de liberté. Plus. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit. Avec Karel, Alice et Doc Parajo. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Fun Radio. Et on est très content d'être avec vous. Je vous le dis tout de suite, on a la connerie en nous. Hein. Ça va être une belle émission. Toi, hein. C'est une émission de jeudi soir. Et j'espère que la journée a été cool. Vous allez vous détendre pendant 2 heures. On démarre Love in Fun, la seule émission où vous pouvez tout dire. Hein. Vous pouvez venir vous lâcher là dès maintenant au standard de Love in Fun 01 42 48 5000. C'est la belle Méloche qui décroche ce soir avec le magnifique Coco. Hein. Et je sais parler de vous, les amis. Hein, bien sûr. Et alors attention, parce que vous le savez que dans cette émission il y a un médecin, hein, il est sexologue, hello, il est percé, il est tatoué, et aujourd'hui il a été encore retatoué. Et ouais. C'est ça. Et ouais, t'es passé au salon de tatouage. Voilà. Toilettage, tatouage, qu'est-ce que t'as fait Non, je me suis pas toiletté, t'as vu. T'es resté combien d'heures là 5 heures. 5 heures, et il y a encore combien d'heures de boulot? 5 heures. Alors, c'est tellement précis le truc, et c'est, à mon avis, c'est tellement work in progress qu'il a pas voulu nous montrer. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a un phallus en érection en hommage à sa profession. Au moins. Non, mais, et tu te tatoues quoi, Doc? En fait, il y avait déjà un tatouage et je le réaménage. Ah, tu camoufles l'ancien, c'est peut-être ça. J'en fais autre chose autour. D'accord, et voilà. Ça va ressembler à quoi? Il y a une pierre. Ouais. Et il y a des ailes. Très bien. Voilà. Voilà, c'est ça. Il y a une pierre. Dit comme ça. Et il y a des ailes. Mais à la base, c'est le truc de médecin, justement, oui, que tu as tatoué. Ouais. Ah, voilà. Bah là, on comprend mieux. Le vrai truc de médecin. Quoi. Elle aussi est tatouée. En fait, on est tous une équipe de tatoués. Hein. Ouais. On est des rebelles, on est des fous. On est des rebelles. Bonsoir, Alice. Bonsoir. Alice, la responsable des réseaux sociaux ici. Exactement. Elle sait tout, surtout. Et ce soir, qu'est-ce qui va se passer ce soir, Alice, dans cette émission sur les réseaux sociaux? Il va se passer tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, on s'est marré un peu avec Coco parce que on regardait toutes les photos que vous publiez vous sur Instagram. Ouais. Parce que en fait on vous faut le bac souvent, et d'ailleurs on va faire ça ce soir jusqu'à minuit, donc allez nous follow sur l'insta de Love in Fun. Vous faut le bac, la soirée follow back. Les amis, l'Instagram Love in Fun, tu nous follow, on te follow. Mais oui, on adore aller voir ce que vous publiez, et puis même des fois on like. Et mais ouais, oui. Ici c'est la famille sur Fun Radio tous les soirs. 01 42 48 5000. Oui, il fait aussi partie de la famille, vous savez, dans la famille il y a toujours une personne un peu ingrate. Ouais. Hein, c'est le bouc émissaire, le mouton noir. Ouais, c'est ça, le mouton noir, celui qu'on le présente pas. Hein, c'est ça. À chaque fois, il y en a un dans la famille. On sait plus trop qui c'est. Pourquoi il est là? C'est Cassim. Bonsoir, Cassim. Bonsoir. Cassim et sa voix de merde. Ta gueule. Ce soir, on parlera des messages qu'on vous a envoyés pour vous quitter. Ah. Hein, et si justement, on vous est déjà un petit peu largué en mode ghosting, ça c'est le. En fait, tu quittes la personne et tu ne donnes plus jamais de nouvelles. Mais c'est atroce, c'est même pas ça. Que tu la quittes. C'est-à-dire que. Du jour au lendemain, tu es devenu un fantôme. Tu l'as bloqué de partout. Ça vous est déjà arrivé, c'est le moment de nous appeler au standard 01 42 48 5000. Une nouvelle battle. Ce soir, on appellera des sex shops. Il y aura trois mots à faire dire à la personne qui décrochera là du sex shop. Et franchement, on va bien se marrer avec ça. 100€ de chèque cadeau à gagner sur le site t-shirt-corner.com. Et puis Soléna aussi est avec nous. 18 ans de Niort. Bonsoir Soléna. Bonsoir. Bonsoir Soléna. T'es dans les deux sèves, toi Soléna. Hein. Oui, c'est ça. D'accord, ben justement, on va parler ghosting dans un instant avec toi. Est-ce qu'il y a un son que t'aimerais bien écouter ce soir, Soléna, toi? Kaigo. Oui, Kaigo. Ben, on écoutera Kaigo dans l'émission. Là, il est fort, Cassim. Il te trouve le Kaigo en 3 secondes, le mec. Happy now. Vas-y, choisis-en un autre pour voir si Cassim arrive à le trouver. Bonne question, je sais pas. Drake, ouais, c'est une bonne proposition ça, bravo. Drake, Mia. Drake et Bad Bunny sur Fun Radio dans l'émission là ce soir dans Love in Fun. Et Soléna, tu veux nous parler de ton copain, c'est ça? Ouais, c'est mon copain, mais oui. C'est-à-dire que c'était ton copain et ça n'est plus ton mec. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que c'est un fantôme déjà. Pour commencer. Donc il t'a ghosté? Ouais. Alors, exactement. Ça faisait combien de temps que t'étais avec lui? À partir de quel moment il t'a ghosté? Est-ce que t'as essayé de reprendre contact avec lui? Raconte-nous tout en détail, Soléna, pour qu'on comprenne bien. Alors, ça faisait depuis 25 novembre que j'étais avec lui. Ah oui, là c'est précis. 17h14. Et c'est récent. C'était un début d'après-midi. Ouais, un petit début d'après-midi. Et t'as vu son petit cul bien moulé dans un petit shorty. Exactement. Ah. Là, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, putain, c'est l'homme de ma vie. Ah non, quand même pas. Non. Mais bon, je pensais que c'était quelqu'un de bien, le bon peut-être. Mais bon, je me suis trompée encore une fois. Donc là, tu sors avec lui pendant combien de mois à peu près? Jusqu'à ce matin. D'accord. Donc, pas longtemps, longtemps, moi, semaine. Et du coup, ce qui s'est passé, hier soir, tout se passait bien. Il m'a dit je t'aime plus que n'importe qui, tout ça, enfin les blabla, les violons. Et puis je l'avais appelé et il m'a dit je vais à la douche, je te rappelle après, bisous, je t'aime. Moi j'ai fait, il n'y a pas de souci. Et j'avais attendu son appel et j'ai pas eu d'appel en fait. Donc je me suis dit, il s'est endormi. Donc du coup, j'ai attendu, j'ai envoyé un message. Ouais. Et ce matin, je me suis réveillée. Ouais. Et il avait vu mon message, ouais. Mais il n'avait pas répondu. Oh, ça va, c'est un petit ghosting d'une journée. Hein? Mais c'est pas fini. Ah bon? Mais c'est pas fini. D'accord. Ah, mais non. Parce que là, c'est comme sur WhatsApp, tu vois que les gens ont vu ton message et ils regardent ton message, mais ils ne te répondent pas. Ouais, là, mais c'est pas fini. Ah continue alors. Et du coup, je me suis rendormie, moi, j'en ai pas fait de cas. Ouais. Et puis bah, après, quand je me suis réveillée. J'en ai pas fait de cas, dis donc. C'est mignon. Hein, c'est une belle expression, ça. Pas fait tout un foin, dis donc. Pas fait tout un foin. Et alors, donc, ok, donc là, t'as pas de réponse, tant pis. Tu te rendors. Et après ? Bah oui. Bah après, je regarde s'il m'a répondu. Ouais. Et toujours rien. Ouais, donc, bah du oui. coup, je vais sur Snapchat. Ouais. Et je vois qu'il m'a bloqué. Ouais. Ah oui. Donc, je comprends pas. Ouais. Je vais sur Messenger. Et je veux pour lui envoyer un message, quoi, lui dire bah, pourquoi tu m'as bloqué sur Snapchat, quoi. Oui. Et en fait, bah, il m'avait bloqué sur Messenger aussi. Et j'ai essayé de l'appeler, il m'avait bloqué aussi. Donc, j'ai pas signé de vie de lui, rien du tout. Donc, je sais pas ce qui lui arrive, j'ai pas d'explication. Donc, voilà. D'accord. Bon, bah, alors. C'est ouf ça. Bah, je sais pas, tout ouais, est possible. C'est un peu brutal, mais enfin, a priori, ouais. Quand on est bloqué, on est bloqué. Enfin, tu peux pas trop faire d'erreur. C'est passé quoi la dernière fois que vous êtes vus tous les deux? Il y a eu un événement particulier? Vous aviez fait l'amour, c'était bien? Non, pas du tout. Vous en étiez où là, tous les deux, la dernière fois que vous étiez ensemble? Ben, on s'était vus le 25, mais après on se devait se voir ce week-end parce qu'on s'était pas revus depuis parce que ben on devait se voir le week-end dernier, mais on n'a pas pu. Donc Ah, vous êtes vus qu'une seule fois en fait? Ben oui, mais je connaissais avant. Ok. Mais bon. Donc les derniers mots, c'est ensemble. Je t'appelle après la douche, quoi. Ouais, voilà. Alors, tu l'avais rencontré où? Oui. Comment? Oh, mais il y a longtemps, je sais plus. C'était comment? Je sais plus. Je crois que c'était sur Facebook. Ok. On va essayer de l'appeler dans un instant, alors, si tu veux, Soléna. Il nous a pas bloqué. Mais il y a aucun problème. Bah voilà. Bah, on appelle dans un instant ton mec qui t'a ghosté depuis ce matin. Il y a plus de nouvelles. C'est surtout qu'il t'a bloqué. Pour plus jamais entendre parler de ta gueule. C'est lâche. Et ça, c'est dégueulasse. Bah, en gros. Ah, mais c'est vrai. Non, mais c'est exactement bah, ça, quoi. En gros, c'est ça. Bah, et tu sais quoi, Soléna, on va tenter d'en savoir un petit peu plus. On va lui passer un petit coup de téléphone, justement, à ce ghosteur. D'ailleurs, si vous avez déjà vécu ça, appelez-nous 01 42 48 5000. On aura du zap de Coco ce soir, les amis. Ah, on appellera Clo-Clo, le papa de Coco, pour savoir, justement, ce qu'il a pensé de son fils, Coco du Standard. Restez bien avec nous. Et on va revenir avec ce son-là. Ah, ça, c'est bon. Cachemire sur Fun Radio. 22h12 en direct sur Fun Radio dans toute la France, avec vous tous, avec vous toutes. Tellement fier de passer vos soirées avec vous, c'est Love in Fun. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Here we go! Cette semaine, toute la team Fun Radio vous donne rendez-vous pour faire la fête. J'ai trop hâte de vous voir. Are you ready? Salut, c'est Adrien Thomas. Salut, c'est JB. On vous invite pour un Party Fun Live exceptionnel. Au sommet de la Grande Arche de Paris La Défense. Demain soir, dès 19h, avec Loud, Kim Motion et Ugel. Christmas. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook et Instagram. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi, Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Avec le pack Open Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec le forfait Orange 50 Go, je révise mes chants de Noël en streaming. Et ben moi, avec le forfait Orange 50 Go à 9,99€, j'envoie mes vidéos de Noël à toute ma famille. 50 Go de vidéos par mois, on va avoir le temps de s'occuper. Hein. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50 Go pour clients pack Open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 8 janvier 2019. 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients. Engagement 12 mois. Conditions sur orange.fr. Fun Radio présente samedi 15 décembre au Parc des Expos de Montpellier. Retrouvez sur scène Charlotte DeWitt, Koch, Solomon, Laurent Garnier, Dixon, Tell of Us et bien d'autres. Infos et réservations, point de vente habituel. ilovetechnoeurope.com et funradio.fr. I love Techno Europe avec Fun Radio. Le son dance floor. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook et Instagram. Restez connectés avec la famille Fun Radio. Baila. bailame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rum. He said he wanna touch it and tease it and squeeze it. Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? Sale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rum. I could keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on the mall, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Okay, I'm in the party. It's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie good. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Appelez Karel, Alice et Doc de 22h à minuit. Bienvenue sur Fun Radio, c'est Love in Fun depuis 22h en direct jusqu'à minuit. Alors attention parce que ce soir, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train d'écouter et qui attendent de ces nouvelles, nous aurons ce soir des nouvelles de notre Nicolas. Nicolas, alors il y a une vidéo sur YouTube d'ailleurs qu'on vous avait postée où Nicolas avait appelé sa chérie, hein, sa copine, qui avait la faculté hein, de le traiter mais comme un chien, comme une merde. Et on s'était rendu compte de ça justement quand on avait vécu cet appel en direct. On réécoutera tout à l'heure et surtout Nicolas va nous raconter ce qu'il s'est passé après cet appel. Il y a eu beaucoup de changements dans sa vie, je vous le dis tout de suite. Hein. Restez bien avec nous. En attendant, on parle de ghosting, c'est-à-dire t'es avec quelqu'un et du jour au lendemain bloqué de partout, Snapchat, Insta, Messenger. T'as plus aucune nouvelle de la personne. Et pas d'explication surtout. C'est ça. La lâcheté même. Ah, ouais. Exactement. C'est ce qui est arrivé à Soléna. C'est depuis ce matin. Elle ne comprend pas. Et alors, toi, tu n'arrives pas à le joindre, ton copain, Soléna. Nous non plus, je te le cache pas. Hein, c'est-à-dire qu'on a essayé là pendant la pause. Il ne décroche pas. Donc, on va pas l'appeler Soléna. Alors, il y a aussi quelque chose. Ça se trouve, la personne a disparu. Hein, t'as essayé d'appeler ses parents. Je sais pas. Oui. Mais en fait, j'ai contacté tout le monde. Dans le téléphone, Soléna. Là, vous m'entendez ? Non, là, non, là, t'es à 3 km, là. Ah, mais non. Ah, si, j'ai si. J'ai contacté tout le monde. D'accord, t'as contacté tout le monde et ils t'ont dit quoi ? Ben, Déjà, j'ai essayé d'envoyer toutes mes copines lui parler. Déjà. Et puis, en fait, il répond pas. Il voit même pas les messages, alors, pour commencer. Et puis, j'ai contacté sa mère aussi. D'accord. Et elle t'a dit quoi ? Eh ben, elle comprend pas. Elle essaye d'en savoir plus, mais il veut rien lui dire. Apparemment, il a un coup de blues. Enfin, il est pas bien, mais bon, il est pas bien. Mais moi, il croit que je suis bien. Alors. Il a pas besoin de toi en l'occurrence pour son coup de blues, Soléna. Il y a beaucoup de réactions. On va accueillir Angélique, qui est avec nous, 21 ans de Marseille. Bonsoir, Angélique. Bonsoir. Salut Angélique. Tu l'entends, la Soléna qui vit le premier jour du ghosting. Est-ce que toi, ça te parle ou pas, Angélique? Effectivement, oui, parce que moi-même, j'ai été ghostinée aussi. Elle a été ghostinée. Ghostinguée. Comment on dit, Alice? Ghostée, quoi. Ghostée, oui. C'est ça. Mais ghostinguée, ça peut. Ghostinguée, moi, je trouve ça un petit côté sympa. On a envie de danser là-dessus. Voilà. Mais moi, ça remonte à un peu beaucoup de temps maintenant. Ouais. Mais j'ai réagi assez mal aussi, parce que bon, ça fait quand même bizarre. Et raconte-nous justement, ça veut dire quoi ghoster pour toi? Pour moi, tout simplement, j'étais au collège à ce moment-là. Il avait 2 ans de plus que moi, donc moi, sachant que j'avais déjà redoublé une fois, donc je devais être au lycée en même temps que lui. Donc au final, j'ai été redoublée, donc on s'est retrouvés, on s'est mis ensemble. Ça a duré 6 mois comme ça, on se voyait, on se parlait, on était ensemble les week-ends, tout ça. Et du jour au lendemain, peu de nouvelles, impossible de le contacter au téléphone, impossible d'aller chez lui, ça répondait pas. Sa sœur, elle m'envoyait bouler comme si que je lui avais fait du mal, ses parents, c'était pareil. Ouais. Donc, au final, j'essaie de... faire les réseaux sociaux, comme tout le monde. Bah, bien sûr. Mais sans nouvelles. Non. Bon, j'ai pas été bloquée, mais je voyais qu'il voyait mes messages que je lui envoyais. Mais voilà. Pas de nouvelles. Donc, il te répondait pas. Est-ce que tu as eu le fin mot de cette histoire? Alors, j'ai eu le fin mot de cette histoire. Au final, j'ai su un an après qu'il s'était mis en couple avec ma cousine. Ta cousine? Bon, ça va, ça reste dans la famille. Ah, c'est bon. Voilà. T'as dit merci à ta cousine. Ouais. Du coup, voilà. On va dire que ma cousine, à l'heure d'aujourd'hui, on se parle, on n'a aucun reproche à se faire, parce que voilà, c'est fait, on va pas se disputer pour ça. Hein. Mais c'est vrai que pendant un temps, ça a été compliqué, parce que j'ai voulu savoir, mais sans aucune explication. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas moyen d'avoir une discussion, de savoir pourquoi, mais du comment. Il est sorti avec elle, et puis il t'a complètement ghosté, et puis il est passé à elle, et puis il ne voulait pas donner d'explication, on l'a lâché même, quoi. Plutôt que d'être un tout petit peu grand et de dire, non, c'est fini. Et c'est peut-être pas plus mal, franchement. C'est toujours mieux d'avoir une explication, mais t'en as pas, et à quoi ça sert de courir après quelqu'un qui c'est difficile de clôturer, c'est difficile parfois de clôturer une histoire en soi quand on n'a pas eu la fin. Fois on l'a pas, donc des fois la personne. Oui, bien sûr, mais c'est ça qui est difficile. Dire, et c'est là que c'est difficile, parce qu'on court après. Oui, on veut toujours savoir ce qu'on recherche. Que ce soit clair. Ouais, après, je pense que tu commences à t'énerver contre la personne et puis tu t'en fous, quoi. Je veux dire, tu restes pas bloqué sur quelqu'un pendant des années, quoi. Ou alors là, c'est un drame, quoi. Non, des années. Ah non, mais il faut pas, de toute façon, rester bloqué sur des. Mais bien sûr, regarde comme t'es belle, là. Sors. Fais-toi une petite soirée là avec tes copines, tu vas rencontrer plein de mecs. En plus, c'est la soirée du 31 là bientôt, la soirée des nouvelles résolutions, des nouveaux mecs, des tromperies. On sait comment ça va se passer, hein. Je te le dis. Hein. Ah, moi sur ça, je peux plus rien faire. Ça y est, c'est fini tout ça pour moi. Ah, pourquoi? Elle est en couple maintenant. Je suis en couple. C'est pas vrai? Ah oui. Ça date d'il y a quelques années, elle a dit. D'accord. Ah ouais. Voilà. Oh merde, t'es pas célib. Voilà. Salut alors, Angélique. Salut. Reste avec nous, il y a Charlotte aussi qui est là. Bonsoir Charlotte. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Charlotte. Il y a que des filles qui se sont fait ghoster, donc ça veut dire que tous les mecs sont des salauds. Il y a que les mecs qui ghostent, sans déconner. Qu'est-ce qu'il y a, Mélo? J'étais d'accord avec ça. Les mecs sont des bâtards. Les mecs sont des bâtards, voilà. Alors c'est pour ça que Méloche, ça fait 600 jours qu'elle n'a pas fait l'amour. Hein. Voilà l'état d'esprit de Méloche au bout de 600 jours. Bâtard. Tous les mecs, c'est des bâtards. C'est des gros bâtards. Et toi, Alice, tu penses quoi des mecs en général? Écoute, ça va. Il y a des connards et puis il y a des mecs plus cool, quoi. Mais comme du côté des meufs, il y a des grosses connasses et puis il y a des meufs plus cool. D'accord. Et tu es dans quelle catégorie, toi, Charlotte? Je pense que je suis cool. J'ai eu peur, tu sais. Moi, je pense que je suis une connasse. Je suis une grosse connasse. Charlotte, donc tu t'es fait ghoster par qui? Par mon ex petit copain quand j'avais 18 ans. Bâtard. Okay. Bâtard. Vas-y, dis-le. C'est un bâtard, voilà. Bâtard. J'ai annoncé que j'étais enceinte de lui et il était choqué au téléphone et puis il m'a dit, ok, bah écoute, laisse-moi du temps pour que je digère la nouvelle, je te rappelle, puis il me raccroche au nez en fait. Et 9 jours plus tard, toujours pas de nouvelles. Et puis ce con, il a attendu en pleine nuit pour m'envoyer un message vocal où en fait il passait la chanson de Lara Fabian, Tout est fini entre nous. Oh putain, oh, oh non, tout. Il a pas et fait il a commencé. Et l'a commenté en disant je pense que le message est clair. Oh putain. N'importe quoi. Ah oui. Attends, et surtout sans ne t'avoir jamais au téléphone, toi en direct. Ouais, bâtard et ringard. Ah mais grave, tu peux pas rompre avec Lara Fabian. Enfin, qu'est-ce que tu peux faire avec Lara Fabian? C'est surtout la question. Ouais, c'est ça quoi. On voit à quoi peut servir Lara Fabian. Ah, putain, mais ça c'est sûr. Mais Alice, elle est fan de Lara Fabian. Ah ouais, non mais vraiment. J'ai beaucoup aimé. Ah voilà, c'est dans la discographie d'Alice. Ah ouais. Quand vous allez, vous savez que quand vous allez chez Alice, elle a des platines vinyles et tout, et des 45 tours et des 33 tours. Oh, il m'invente une vie. Ouais, non mais j'ai même acheté en fait le premier disque d'or de Lara Fabian, qu'elle avait eu à l'époque où elle vivait encore au Québec, où elle avait un accent et voilà, je l'ai dans mon salon chez moi. Eh ben voilà. Pas alors, du tout. Vous voulez offrir un cadeau de Noël pour Alice, achetez du Garou. Hein, parce qu'Alice adore Garou, elle adore sa voix, sa belle voix grave. Qui d'autre encore? Bah je sais pas, Céline Dion. Ah oui, bah là, Céline Dion, oui, c'est vrai. Ah voilà, c'est pour toi, Alice. J'ai essayé d'avoir en concert. Charlotte, tu aimes Céline Dion, toi aussi, Charlotte? Oui, surtout la chanson Mon ami m'a quitté. Charlotte, pardon. Non, c'est vrai, de toute façon, Céline, elle a chanté sur toutes les peines du monde. Hein. Pierre est avec pas nous. Plus que Vita. Hein. Pierre, 25 ans de Montluçon. C'est vrai, ça, entre Céline Dion et Vita, il y a quand même combat. Bah, Vita, quoi. T'as l'impression qu'elle se fait têche tous les deux jours. C'est ça, c'est Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Pierre, peine de cœur sur peine de Pierre, coeur. Tu t'es fait ghoster par une fille, toi? Non, moi j'ai ghosté une fille. Bâtard. Au bûcher. Un ghoster, enfin. Tu sais qu'au Moyen-Âge, on te guillotinait, Pierre. Ouais, sur la place du village. Non, mais c'est vrai. À l'époque, Doc, Doc assistait à ça. C'est possible, mais j'avais des bonnes raisons quand même. J'ai pas fait ça cadeau, hein. C'est pas gratos, hein. Alors, allez, pourquoi raconte. T'as ghosté une fille, alors? Alors, en fait, cette fille, c'était mon premier amour. C'est la première fille dont je tombais amoureux de ma vie. C'était au lycée. Ouais, parle bien au téléphone. T'as un téléphone de merde, Pierre. Non, c'est pas un téléphone de merde, pourtant. Ah, tu vois, quand tu parles dedans, c'est mieux. Vas-y, continue. donc cette fille, c'était mon premier amour et tout. Je suis resté 3 ans avec. Et en fait, une fois, elle m'a trompé. Voilà. Donc, j'avais super mal pris la nouvelle, forcément. Mais bon, j'étais amoureux, j'ai eu envie de pardonner. J'ai dit, écoute, on va essayer de refaire quelque chose. Et puis voilà. Deuxième chance. Donc, une deuxième chance. Et puis bon, on a continué. Au bout d'un moment, moi, je suis parti du lycée pour continuer mes études. Et puis, je suis parti à l'étranger. Puis pendant que j'étais à l'étranger, elle me saoulait sans arrêt et tout. Donc, je commençais à sentir qu'il y avait des trucs qui étaient pas nets, en fait, dans ce qu'elle me racontait, etc. Elle te saoulait pourquoi? Bah non, mais pour des trucs de merde, en fait. Parce que toujours, mais je sais pas ce que tu fais quand t'es là-bas. Ah oui. Tu m'envoies pas de photos. Jalousie, quoi. Ouais, jalousie à mort. Et en fait, je suis rentré en France, après mon petit séjour à l'étranger, puis j'ai une copine qui m'a appelé et qui m'a dit, pendant que t'étais là-bas, ta meuf... elle t'a trompé avec lui, machin et tout. Oh putain. Donc j'ai dit ok, super. Avec des preuves ou sans preuves? Ah, avec des preuves, Quel genre de preuves? Genre Bah, la preuve, c'est qu'en fait, elle était partie, pendant que moi j'étais à l'étranger, elle était partie en voyage scolaire avec sa classe, et en gros, elle s'est fait tringler par un de mes potes dans la soute du bus. Enfin, le truc improbable, quoi. Oh, soute du bus, c'est oh, même pas possible. Oh la honte. Et mon pote, au début, il a démenti, puis un jour, mais longtemps après, hein, il m'a dit, ouais. En fait, c'est vrai, je l'ai vraiment tringlé dans la soute du bus. Cette phrase, tringlé dans la soute du bus. Ah putain, c'est clair, c'est horrible. Non, franchement. Ah ouais, c'était sale, hein. Franchement, c'était sale. Et donc, du coup, ben, j'ai appelé mon ex. Enfin, ouais, aujourd'hui, du coup, c'est mon ex, mais je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais c'est quoi ces histoires, machin et tout. Elle me jurait que c'était pas vrai. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, ça me saoule. Je lui ai dit, là, en ce moment, je suis encore amoureux de toi, mais je te préviens, le jour où je sens que... ça commence, enfin que je commence à plus avoir de sentiments, je vais te jeter mais d'une force, tu vas pas comprendre. Et un jour c'est arrivé, un matin je me suis levé, j'ai fait le bilan un peu de cette pseudo relation en gros, où je me suis dit ah ouais, en fait j'ai été cocu genre 3-4 fois en 3 ans. Donc j'ai juste dit bah voilà, j'ai supprimé son numéro et puis j'ai arrêté de l'écrire et de l'appeler, etc. Ok, joli, t'es plus un bâtard. Non mais et c'est voilà, vrai, non mais moi je comprends. Ah, alors je qu'en comprends. Plus elle était jalouse, elle, et chiante quand t'étais pas là. Ah, c'est ça qui était beau en mais fait. Mais c'est souvent c'est que, ça, c'est les pires. Elle était hyper jalouse, machin. Moi qui avais déjà été cocu une fois, je l'étais pas spécialement, parce que voilà, je suis dans la confiance, quoi. et donc je l'ai ghosté du jour au lendemain, j'ai arrêté de lui écrire, et elle a continué à m'écrire, mais pendant des mois et des mois, j'ai vu passer tous les stades, quoi. Comme un deuil. Bah bien sûr. Ouais, et ton pote, tu lui as pardonné ou pas? Non, bah mon pote, je l'ai revu une fois. On en a parlé vite fait. Je lui ai dit de toute façon, on nique ta mère, en gros. Enfin, pardon. Ah ok. Ouais. C'est plus ton pote. Je lui ai dit en gros, écoute, je ne peux plus entendre parler ni d'elle ni de toi. Et puis depuis, j'ai plus jamais de nouvelles de lui. Et elle m'a alors au début, elle m'a écrit des messages pendant des mois et des mois, mais genre 15-20 par jour. Et puis après, bah, elle a arrêté de m'écrire. Et c'est genre 2-3 ans après, elle m'a écrit juste un message en me disant, en gros. Bah, je comprends pourquoi t'as fait ça, je l'ai bien mérité. Ok, et ah bah voilà. Bah depuis, si. J'ai plus jamais une nouvelle. Eh bah ça se termine au bout d'un moment, quoi. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. C'est-à-dire, la personne, elle vous trompe, puis vous décidez de la quitter. Et là, comme elle vous a plus sous le coude, eh bah elle essaye de vous récupérer, quoi. Hein, c'est souvent que ça se passe comme ça. Mais au moins, elle a pris conscience, même longtemps après. Hein, mais... Ouais. Bah en tout cas pour Soléna qui nous a appelé là, qui est ghostée depuis ce matin, il va falloir avoir une explication, hein, Soléna, surtout si tu connais sa famille. Ah bah et oui. Tout, hein, tu peux essayer peut-être d'en non, savoir je un petit pas peu sa plus. Famille. Oui, mais t'as essayé de l'appeler quand même, donc ah bah oui. Donc voilà, au moins t'as le numéro de téléphone. Après, ça sert à rien de courir après quelqu'un, surtout que là, ça fait quelques semaines seulement que vous connaissez, donc c'est pas très très grave non plus, quoi. Tu peux y aller, tu peux aller chez lui, sonner. Bon, ouais. Il y a peu de chances qu'il réponde aussi, je me doute, mais. Bah ouais, tu verras bien en tout cas. Hein. Mais tu nous tiens au courant, Soléna. On aime bien savoir comment ça se passe après, d'accord? Bah oui. Et surtout, on essaiera d'appeler Jimmy, là, si c'est possible, justement, ton mec. Bah, j'aimerais bien. Bah, on essaye, là, si tu veux, là, en direct, là. Ouais. Il décrochait bah, pas, ouais. Là, tout à l'heure, on essaye de l'appeler. Et dans un instant, on va prendre des nouvelles de Nicolas. Il allez, encore répondre. Une. Bah, non, il répond pas, là. Ah, c'est pas cool ça pour toi en plus, hein, Soléna. On va pas lâcher l'affaire si on arrive à l'avoir avant la fin de l'émission. Je te promets, Soléna, que tu repasses à l'antenne, d'accord? Ok, pas de souci. Bon, et bon courage à tous ceux qui nous écoutent et qui sont ghostés là en ce moment. Hein, bon courage à vous tous. On va accueillir Nicolas, ça fait plaisir. Nicolas, 22 ans de Dunkerque. Salut Nicolas. Salut Karen, salut toute l'équipe, comment ça va? Ça va bien Nicolas. Alors Nicolas, on est vraiment content que tu sois là, parce que tu nous avais appelé dans l'émission et ça allait pas du tout. Tu nous avais expliqué que ta copine, elle te menait la vie dure, hein, elle te parlait comme un chien. C'était chaud. Ouais. Et bah justement, on l'a mis en vidéo sur YouTube. Je sais pas si tu l'as regardé. Je l'ai pas vu, non. Ouais, ça va te faire du mal. Hein, il y a beaucoup de commentaires ouais. Justement qui te sont destinés, donc n'hésite pas si tu veux aller les lire un peu. Mais c'est vrai que bon, forcément, elle avait été très très trash, donc ça nous avait tous choqués. Hein. Ah, ta copine, ouais. Elle s'en prend plein la gueule. Hein. Ah oui. Ouais. Bah d'ailleurs, je sais pas si c'est toujours ta copine, Nicolas. Tu vas nous raconter ça dans un instant, mais juste avant, on va écouter le nouveau Cashmere. Voici Magic sur Fun Radio. I'm Cashmere sur Fun Radio Magic. 22h à minuit. Love in Fun. Sur Fun Radio. Ce soir, vous allez vous affronter dans la battle. On va appeler des sex shops. Ça, c'est plutôt cool. Il y aura trois mots, en fait, à faire dire à la personne qui va décrocher. Pas facile. Hein. Ah, c'est pas facile. Faut des champions. Le plus rapide qui gagnera. On mettra une limite de temps aussi, parce que sinon, ce truc peut être interminable. Donc, si vous avez, voilà, si vous savez un petit peu improviser, vous n'avez pas peur d'avoir un sex shop au téléphone qui vend des objets X. Des objets que vous pourrez retrouver chez Alice, dans son armoire. Oui. Hein. Enfin, pas tous les objets, hein, parce qu'ils ont des trucs quand même particulièrement. Enfin, moi, j'ai pas de vagin en silicone ou de fesses de femmes siliconées. Quoi. De fesses de femmes siliconées. Ben oui, hein. Il y a ça dans les sex shops. Ouais, moi j'ai. Fait. Mais c'est là où mon meilleur pote, qui lui est gay, c'est la première fois qu'il a mis ses doigts dans un semblant de vagin. C'était dans un sex shop parce qu'il y avait une sorte de fesses, bah, je sais pas, de fesses de femmes écartées, comme si elle était en levrette, tu vois. Oh, et tu pouvais glisser tes doigts, mais bon, c'était bizarre. Ah, tout le monde doit foutre ses doigts là-dedans. C'est dégueulasse, sérieux. Et normalement, donc, tu mets ton pénis à l'intérieur, ouais. C'est ça, Doc. Ouais. Et t'as l'air de bien t'y connaître en sex shop, bah, Doc. Oui, bien sûr. Je vis à côté de Pigalle, donc. Mon métier étant la sexologie, je m'intéresse à la question. Il faut savoir ce qui existe sur le marché. Tout tester avant de recommander. Pour pouvoir conseiller aux patients. Ah oui, c'est vrai. Non, mais t'as raison, Doc. C'est-à-dire, quand t'es sexologue, tu dois avoir forcément une expérience sur tout. Donc ça veut dire que t'as tout testé. Bon, quoi. Après, il y a des trucs que je ferais pas. Ah bon, Doc, comme par exemple. T'as testé les têtes qui masturbent? Parce que ça fait vachement flipper, je trouve. La tête qui masturbe, bah, c'est quoi? C'est En gros, t'as juste une tête. Oh, c'est hyper flippant. Genre, c'est le truc genre décapité, quoi. Oui, c'est ça. T'as une tête et puis t'as la bouche en mode, bah, la bouche grande ouverte, comme pour accueillir une fellation, quoi. D'accord. C'est la poupée Monique. C'est ça. Mais sauf que le truc qui est encore le plus flippant, c'est qu'ils ont aussi, tu sais, t'as la partie du cou qui est coupée. Et en fait, ils font aussi un trou, bah, à ce niveau-là, en fait, sous la tête. Donc, finalement, tu peux aussi pénétrer la tête de. Oh, mais non! C'est trop bizarre. La trachéotomie. Mais c'est non. Ça. Ah non, tu fais naître la gorge par le dessous. J'étais pas au courant, dis donc. Viens faire un tour à Pigalle. C'est quoi? Je vais faire mes courses de Noël à Pigalle. je vais revenir les bras chargés de cadeaux. Ça me donne une bonne idée de cadeau pour Kassim, tiens. Je vais t'apporter une belle tête, Kassim. Ah, super. Ah, c'est flippant. Oui, alors on a une question à la con, c'est parti. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Ah, Jordan, toi aussi, t'es déjà allé dans des sex shops, je suis sûr. Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Ah, t'es plutôt pipe show, toi, c'est ça? Comment? Pipe show, tu connais ou pas? Non. Ah, dans les sex shops, c'est quoi un pipe show, Doc? C'est un endroit où il y a des cabines où tu peux voir les femmes faire des danses, des striptease, dénudées devant toi. Ah bon, et toi t'es dans une cabine comme ça, t'es tout seul, c'est ça? Normalement oui. Et tu fais quoi dans la cabine? Tu fais tes affaires. Ah, tu fais tes affaires. Mais ça peut être dégueulasse, le truc. Le sol est collant. Qui est déjà allé dans une cabine de peep show, de sex shop, dans l'équipe? Bah non. Non, personne. Ah ouais, je suis sûr. Personne. Personne n'ose dire. On va faire les 48 heures de la fun à Pigalle. Hein, ouais, et Jordan, voilà ce que c'est qu'un peep show, Jordan. Ah d'accord, bah, je connaissais pas, tu vois. Ah, ça donne envie, hein. Ouais, bah ça a l'air sympa, ouais. Ah, ouais, ça doit être dégueulasse. Bah, de passer après quelqu'un, quoi. Ah, c'est ouais, comme non, c'est justement sûr. Les pièces dans les sex shops. Ah, c'est comme quand tu t'assois sur une cuvette, tu sais, et elle est toute chaude. Oh. Ah là, tu sens le malaise, tu sens le malaise direct. Jordan, quelle est ta question, la con? Bah moi c'était en fait, tu vois, en ce moment il fait froid et tout, il gèle, et c'était pour savoir genre quand on pissait un coup de doigt, si le bout de ma top il pouvait geler. Ah mais oui, le gland est très sensible, Doc. Oui, bien sûr, et il peut y avoir une goutte à la fin, et oui, ça peut geler. Alors pas sous nos latitudes, parce qu'en général avec les moins 3, moins 4, moins 5, ça suffit pas, mais dans les grands froids, genre au milieu du Canada, où il peut faire moins 50, moins 60, en quelques secondes, c'est gelé. Mais tu peux pas pisser alors, ça gèle tout de suite. Enfin, non, le pipi c'est super chaud. Oui, le pipi c'est super chaud, mais la goutte qui reste à la fin, elle peut geler, et ce qu'il y a dans l'urètre peut geler aussi. Elle est pas si conne que ça, ta question, Jordan. Un Mr Freeze après. Eh ben voilà, un petit Mr Freeze à la pisse. C'est ça. Hein? Eh ben Jordan, merci d'avoir appelé. Il y a pas de souci. À bientôt. Salut. Pour ta question la con quand tu veux, hein, Jordan. Salut, gros bisous. Et Nicolas est là. Nicolas? Ouais, je suis là. Bon, Nicolas, dans 3 minutes, ok? Ouais, vas-y. 3 petites minutes, on revient à Nicolas qui nous avait fait appeler sa copine parce qu'elle le traitait comme un chien. C'est Manon qui, franchement, nous avait mis sur le cul. Hein. Ouais, c'était dur. Elle était pas cool. On va réécouter tout ça dans un instant sur Fun Radio et on va revenir avec Nils Van Zandt. La battle avec les 100 euros de chèque cadeau à gagner là dans pas longtemps. Vous bougez pas. 01 42 48 5000. À tout de suite. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Salut, c'est Big Flo et Oli. Rendez-vous mardi 18 décembre avec toute la famille Bruno dans la radio. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Je suis chaud bouillant à l'idée de les recevoir. Écoutez ça. C'est mardi 18 décembre, dès 8h sur Fun Radio. À mardi. Ici, c'est Fun. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi, Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Party Fun Live. Vivez le Party Fun Live depuis Avoria 1800 en direct sur Fun Radio. Dès 22h. Fêtez le réveillon en plein cœur de la station sur les mix de Matt et Azlov. Salut, c'est Azlov. Fun Radio, c'est ma radio. Party Fun Live depuis Avoria 1800, c'est sur Fun Radio. Plus d'infos sur avoria.com et funradio.fr. Avoria 1800, l'une des plus féeriques stations d'Europe. 100% piétonne, 100% fun, en plein cœur du domaine des Portes du Soleil. 22h à minuit. 0 42 48 5000. Avec Karel, Alice et Doc. Love and Fun sur Fun Radio. Just a man on his way to the moon, wishing the rocket would go faster. All the stars remind me of you, yeah they do. I'm on my way to you. Sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. We're having fun. Tous les soirs, Love in Fun. De 22h à minuit sur Fun Radio. C'est Love in Fun sur Fun Radio et vous avez été très très nombreux à nous envoyer des messages, à commenter la vidéo sur YouTube pour nous demander des nouvelles de Nicolas qui est avec nous là. Il a 22 ans, il est à Dunkerque. Salut Nicolas. Salut tout le monde, salut toute l'équipe. Salut à toi. Il y a qu'est-ce qui se passe à côté de toi là? Il y a une alarme. Ouais, une alarme, c'est peut-être le magasin ça. Quand t'es en train de faire un petit cambriolage, tranquille, non, au calme. Non, un petit casse. J'ai pas ouais, je suis en plein casse là, avec travail. Ah, t'es au boulot. D'accord, t'es au travail. J'ai fini. D'accord, t'es en train de fumer une clope. Ouais. Ça va, détente. Ouais, c'est la fin de la journée quoi. Tu débauches. Ouais. Bon, et tu nous avais fait vivre un moment assez, je sais pas comment. Comment dire, c'était assez dingue, assez fou. Tu nous avais dit, voilà, je t'appelle parce que ma copine, elle me traite comme un chien. Et on s'était dit, bah, on va l'appeler. Comme ça, on va savoir un petit peu comment est-ce qu'elle se comporte avec toi. Ce que je te propose, Nicolas, c'est qu'on réécoute là maintenant ton passage à l'antenne avec ta copine. Et derrière, tu nous expliques tout de ce qui s'est passé, d'accord? Il n'y a pas de souci. Ok. Et occupe-toi du feu, là. Hein. Allez, on écoute. Ça marche, pas de soucis. Et bien sûr. Allô? Allô, bébé? Ah, c'est toi? Pourquoi tu m'appelles en privé? Je sais pas, mon téléphone devait avoir un problème. Je suis désolé. Ouais. Dis-moi, je peux te parler ou pas? Bah ouais, maintenant que tu m'as au téléphone, c'est le but. Ouais. Bah voilà, j'aurais aimé t'appeler, enfin voilà, te parler par rapport à un sujet, voilà, qui me travaille beaucoup ces derniers temps. J'ai l'impression en fait que tu me prends pour ton soumis et tout quoi. Et franchement, ça commence à être dur à vivre et je commence à en avoir marre quoi. Tu veux un mouchoir? Bah non, je veux pas un mouchoir, mais je sais pas, c'est toi j'ai l'impression que tu t'en bats les couilles de moi et tout, et franchement ça devient pesant quoi, à vivre et tout, on est ensemble et tout, et là toi t'es comme ça avec moi, t'es méchante, tu mets des gifles devant tout le monde au magasin, c'est toujours toi qui prends toujours toutes les décisions. En même temps, franchement faut savoir te supporter, hein, parce que putain, c'est franchement pas facile, hein. Bah, tu peux pas dire non plus que je suis un connard ni rien, parce que bon voilà quoi, je suis toujours en train de te faire tout ce que tu me demandes et tout, et puis voilà quoi. Bah, heureusement, parce jamais que, ni rien. Bah heureusement, parce que la plupart du temps tu le passes chez moi, donc quand t'es chez moi j'aimerais bien que tu fasses des choses aussi, parce que j'ai l'impression de toujours tout me taper, alors forcément je suis toujours obligée de te dire les choses, et puis c'est ce qui est dingue, c'est que je suis obligée de te les dire. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, je gueule, parce qu'au final, je te dis des trucs et tu le fais pas, donc voilà. Parce que quand je te le dis gentiment, ça passe pas, alors que quand je le dis méchamment, ça passe. Voilà. Ouais, mais abuse pas non plus, quoi. C'est toujours moi qui, quand je viens chez toi, je suis toujours en train de tout payer et tout. Et là, toi, tu me dis que ouais, en gros, je dois me taper encore des trucs à faire chez toi. Non, je suis désolé, ça marche pas comme ça. Tout payer, excuse-moi, mais t'es combien de jours par semaine chez moi, par rapport à chez tes parents? Enfin, tu sais très bien que je taffe et tout, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas non plus de quoi faire vivre de personne. Donc après, c'est ta décision de. Enfin, en plus, voilà, je te demande, mais c'est normal, tu vois. Enfin, je vivrais chez toi, je ferais pareil. Mais moi, je le ferais automatiquement. Alors que toi, des fois, tu viens, c'est les vacances, je rentre, t'as même pas fait de lessive, t'as même pas. Enfin, tes caleçons, ils sont encore près du lit, tes chaussettes, elles sont encore près du lit. Moi, franchement, ça me pète un câble. Et pourquoi tu répondais pas au message, en fait? Tu joues encore à la play, ouais. Bah ouais, mais voilà, j'ai... Bah ouais, bah voilà, quoi. Et après tu dis ouais, machin, tu râles tout le temps, mais c'est pareil, à chaque fois je te demande, au moins si tu joues, bah je sais pas, parle-moi, enfin, je sais pas... Ouais, mais... Je sais pas, n'importe après, qui, je suis quand, un message... Après, quand t'es à la maison, je peux jamais jouer à la console non plus, donc voilà, je bah ouais, parce que t'es pas ici pour ça, enfin, t'es, à chaque fois, déjà tu viens, tu ramènes ta play, enfin, t'es pas ici pour ça, en fait. Ouais, je sais bien, mais bon, voilà, bah, voilà, bah, alors, tu viens, tu me prends la tête, tu m'appelles comme ça, tu me dis, nanana, Parce que ça me dérange, tout ça, toujours pareil, on est toujours en train de s'engueuler, tu fais toujours de moi, j'ai l'impression d'être ta merde, quoi, je suis toujours en train de tout me taper, quand t'es pas là, voilà, certes, je fais pas grand-chose, mais bon, je me pose aussi... Ça me fait rire que tu parles de merde, parce que c'est un peu ça, au final, en fait, hein, parce que, t'inquiète, hein, je suis consciente de ce que je fais, mais ça me fait plaisir de voir que ça marche. Ouais, mais c'est pas comme ça que ouais, tu mais parce que tes parents, ils te laissent tout faire. Tes parents, ils te laissent tout faire. Et au final, bah non, ils me laissent pas tout faire. Je fais des trucs à la maison. J'ai une éducation, quoi. Bah ouais, t'as une éducation, mais... Enfin, t'as une éducation, c'est du laxisme. C'est pour ça que je fais un cap sur toi. Parce que, non, mais attends, tu vis comme un crade, s'il te plaît, abuse pas. Si ta mère, elle fait pas ta chambre, tu la fais pas. Et on n'est pas chez les pouilleux, ici, hein. Ouais. Quand je rentre, s'il te plaît, arrête quand je rentre et que genre je suis pas rentrée le midi, au calme tu t'es fait à bouffer, la vaisselle elle est pas faite, tu as des miettes par terre, je sais même pas ce que t'as fait, à croire que des fois tu tapes des queues dans le canapé, il y a des trucs, c'est dégueulasse. Ouais, faut pas abuser non plus quoi. Faut pas abuser, arrête, même je rentre ça pue, tu te laves ou pas? Bah oui, je me lave, c'est très bien. Bah ouais, bah écoute, à chaque fois que tu viens, je te vois jamais faire. Je suis obligée de te dire limite, va te laver. Des fois, j'ai l'impression que c'est toi mon enfant, en fait. Ouais. Arrête un peu, quoi. Bah non, j'arrête. C'est très bien, j'en ai ras-le-bol de tout ça. Déjà, tu me dis pas, ouais, arrête, machin, parce que je suis en train de parler, donc tu me dis pas t'arrêtes. Et en plus de ça, tu me dis pas des trucs comme ça, en fait. Parce que si j'ai envie de dire des trucs comme ça, je dis des trucs comme ça. Si j'ai envie de le penser, je le pense. Tu vas rien dire du tout, je te le dis tout de suite. D'accord. Après, ça fait 8 mois que je suis comme ça. Je vois pas pourquoi d'un coup, là, ça y est, tu m'appelles, t'es en train de chialer à moitié. Si t'as envie d'aller faire ta petite faux folle avec tes copines, vas-y, hein, mais c'est pas avec moi que tu vas pleurer, je te le dis. Ouais. Bah ouais, faut que t'arrêtes de te plaindre. 2 minutes, t'as des couilles, tu les as oubliées quelque part. Ouais, moi j'ai des grosses couilles. Bonsoir. Ouais, bon. En plus, tu m'appelles avec des potes. Ouais, non, c'est pas des potes. C'est des super potes. Des super potes. Ouais, ça va, Manon? Bah ouais, toi, c'est qui? Alors moi, je m'appelle Karel. Ouais, c'est bien, c'est un nom chelou encore. Ouais, t'as raison. J'ai l'impression que on va se faire une copine ce soir. T'es en direct sur Fun Radio dans Love in Fun, Manon. Ah bah salut, enchanté, tu es sympa. Bienvenue dans la famille. Elle s'en bat les couilles de tout, elle. Ouais. Ah mais alors, tu sais quoi, ça c'est une fille qui a du caractère, mais qui doit être chiante. Oh putain. Bah, t'as du chien, Manon. Bah je suis désolée, le mec il vient, il pleure, c'est bon, je suis pas pédé, Ok Manon, alors si tu veux nous, voilà, je vais t'expliquer, t'es en direct sur Fun Radio dans Love in Fun. Moi je m'appelle Karel, il y a un médecin qui est là, qui est sexologue, qui s'appelle Doc. Et ah, Alice là, également. Il s'est pas niqué, c'est pas ma faute, il vous a dit ça. Biologue, mon cœur. Alors, on vient en paix, Manon. Manon. Mais sachant, je suis pas là, je lui aurais mis une tarte. Ouais, bah ouais. Mais tu sais quoi, si tu analyses, hein. Voilà, si tu continues comme ça, tu sais très bien que de toute façon, ça va pas continuer avec Nicolas. J'ai même l'impression que t'es pas très très amoureux de lui, ou alors peut-être que. Des fois, j'ai plus l'impression de trimballer mon gamin. C'est bon que. Il y a un décalage, quoi. Peut-être que le jour où il partira. Chale, ouais. Peut-être que tu te rendras compte que t'as peut-être été un petit peu trop dur. En tout cas, c'est vrai que nous, on a été témoins de votre conversation. On sent que, si je peux me permettre, le torchon brûle. Ah, le torchon brûle. Ah oui, ah là, le torchon mais brûle. C'est lui le torchon, en fait. Ah, c'est lui le torchon. Le feu, j'aime bien, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que t'as tendance tout le temps à rabaisser ton mec. Ouais, Manon. C'est vraiment une merde pour toi. Hein. Hein, c'est genre la dernière des merdes. Sinon, il le veut parce que ça fait presque un an qu'on est ensemble. S'il y reste, c'est qu'il le veut, donc c'est qu'il aime bien. Dans le fond, je suis sûre qu'il aime bien, il l'assume pas, c'est tout. Mais tu le pousses à te quitter ou quoi? Tu cherches quoi avec lui? T'as envie d'aller plus loin ou tu... Bah non, moi ça va comme ça. Enfin, si c'est pas plein avant, c'est que ça lui va comme ça aussi. Non, là, ça lui va plus, en tout cas. En tout cas, il nous a appelé justement pour ça, parce que ça ne lui va plus. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, à un moment, le rôle va bien, mais là, maintenant, c'est trop. Donc, il s'agit rééquilibrer un petit peu. Toi, tu as dit aussi qu'il y a des choses qu'il ne fait pas, et que t'es obligé de gueuler pour qu'il fasse les choses, parce que si tu le dis gentiment, il ne les fait pas. Il faut certainement que ça aussi, ça change, pour éviter que t'aies besoin de gueuler, et que du coup, vous soyez dans ce rapport qui passe tout le temps par la violence. Parce que là, du coup, il a peur de toi. Or, c'est marrant, ça, c'est vraiment un PD. Je vois pas quel est le lien. Déjà, je viens de cramer un truc, je sais pourquoi tu fais pas le ménage. En vrai, c'est parce que t'as oublié le balai dans ton cul, quoi. Ok. Voilà, alors franchement, je viens de réécouter, je suis encore énervé, quoi. Et c'est vrai qu'elle est insupportable, fou, hein. Insupportable, ouais. Manon. Et bizarrement, d'ailleurs j'ai regardé les messages sur la vidéo YouTube qu'on vous a mise, et il y a plein de personnes qui reconnaissent ce type de caractère, quoi. Il y a des filles et des mecs d'ailleurs, hein, qui sont comme ça, qui traitent comme ça leur copain, leur copine. Meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de vous casser, quoi. Ah bah oui, il faut se faire respecter aussi. Ah, c'est sûr. Mais il y en a à qui ça va bien, qui restent avec pendant des années, des années, des années. Donc faut croire que ça leur va bien. Dommage. Hein, quand tu restes avec quelqu'un très longtemps comme ça, c'est que ça te va bien. Mais ouais, enfin là, t'es la merde de cette personne, quoi. Franchement. C'est ça, hein. Alors Nicolas, est-ce que t'as au moins ouvert les yeux? Est-ce que justement ça t'a changé? Qu'est-ce qui s'est passé depuis cet appel? Forcément, ouais, j'ai ouvert les yeux par rapport à tout ce que vous m'avez donné comme conseil. Ça m'a beaucoup servi et tout, et du coup, j'ai pris la décision de la quitter. Mais depuis, je viens d'en faire. Franchement, c'est vraiment horrible. Elle m'appelle, enfin, laissez tout le temps de m'appeler. Elle m'envoie des messages pour me dire qu'elle va me tuer et tout. Ça devient invivable. Chantage affectif. Ça m'étonne pas. Ah, non, mais c'est taré, hein. Franchement, là, faut porter plainte. Je sais pas comment faire avec elle. Elle te harcèle, elle te menace de mort. T'as tout ce qu'il faut pour porter plainte. C'est horrible, hein, franchement. J'ai pensé à porter plainte, mais je sais pas encore. Voilà, malgré tout, je l'aime et tout. Et Ouais, hier soir encore, franchement, par rapport à tous ces messages et tout, bah voilà, j'étais en train de pleurer et tout. Mais ça me détruit toute cette histoire et tout, là, et je sais pas quoi faire. Tu nous as déjà dit l'autre jour, oui, mais je l'aime. Mais ça n'est pas une bonne raison. Ça n'est pas ça l'amour. Ça ne fonctionne pas comme ça. Là, tu aimes quelqu'un qui te martyrise. Alors certainement qu'il y a quelque chose en toi qui aime bien ça parce que c'est une relation malgré tout. C'est une relation. C'est avoir un lien avec quelqu'un. Mais c'est pas un lien pérenne et c'est pas un lien d'amour qui va te faire évoluer dans le bon sens. Donc il faut en sortir. Va au moins déjà déposer une main courante. C'est moins grave qu'une plainte, mais au moins déjà déposer une main courante. D'accord. Et puis non, ouais. Arrête, sors de là, stop. C'est vraiment le conseil qu'on te donne. Bloque-la, que tu n'aies plus même les messages martyrisants qui continuent, quoi. Après, forcément, c'est pas facile. Bien sûr, Nicolas. Tu étais effectivement très amoureux d'elle, elle avait une emprise sur toi, donc forcément, là, tu vis aussi cette séparation. Faut pas que nous, enfin, faut vraiment que ça vienne de toi, quoi. Tu vois, Nicolas, ça c'est vraiment important, quoi. Ouais. Ah oui. Ouais, mais le truc, c'est voilà, c'est tellement de trucs. L'autre jour, j'étais en train de travailler, elle s'est pointée à mon travail et il y a un de mes collègues qui m'a prévenu et donc bah moi je suis sorti par la porte extérieure du boulot et elle est partie se prendre la gueule avec mon patron et tout pour dire qu'elle voulait me voir et tout et qu'il fallait qu'il vienne me récupérer, etc. pour qu'on puisse expliquer. Mais alors, elle est tarée. Non, mais ça suffit. Elle est tarée, mais elle est là. C'est-à-dire que mais oui, Regarde bien petite merde, je viens m'appeler la radio parce que ça fait 10 jours que je guette. Ouais, fais-toi un allô de merde. Je viens de téléphoner parce que ça fait 10 jours que je scrute la radio parce que je m'en doutais, pédé que t'es. Manon. Moi franchement, je la passe pas à l'antenne si elle est. Je comprends même pas. Non mais voilà. C'est aussi simple que ça, si Manon commence à insulter Nicolas et que Nicolas voilà, n'est pas d'accord pour te parler, tu peux parler et t'égosiller tant que t'es pas à l'antenne, on t'entend pas Manon, hein. Jusqu'à preuve du contraire, on peut encore décider de ne pas te passer à l'antenne. Nicolas, tu vois là, elle est un peu hystérique là. Ouais, ça fait 10 jours qu'elle est à l'affût de la radio. Hein, et est-ce qu'on peut discuter Manon ou alors ça va être que des insultes? C'est ça l'histoire, hein. On peut discuter. Ça fait 10 jours que j'essaye pour aller le voir et genre j'ai envie de péter un câble. Et puis là, il fait quoi? Il se plaint directement à la radio en fait. Et deux. Non, il se plaint pas du tout, Manon. C'est non. C'est il donne des nouvelles. Il donne des nouvelles. Il donne des nouvelles simplement pour voilà nous tenir au courant et puis surtout pour qu'on sache comment il va quoi. Il parle de son ressenti. Sur ma vie, c'est une victime. Il m'a quitté en pleurant. Après il vient. Et c'est bon, je t'ai écouté en fait, Nico. Hein, tu peux me parler. Franchement. Mais c'est toi qui le kiffes. C'est toi qui le kiffes puisque tu le cours après. Quand mais tu crois que je serais resté 8 mois avec si je le quittais pas? Quand on t'a eu au téléphone, tu l'as traité comme une merde et t'as presque fait en sorte de le pousser à te quitter. Il kiffe ça et après, Claire, la preuve, il fait quoi? Il appelle la radio. Donc là, t'essayes de le récupérer donc. C'est ça? C'est ta technique? S'il s'affiche comme ça devant la France entière, c'est qu'il aime bien montrer qu'il est comme ça, qu'il est kiki. Non, tu peux pas dire que j'aime ça. Mais si, tu peux pas dire que j'aime ça. Je sais très bien. J'en ai ras-le-bol de toute histoire. Franchement, ça me gave. Tu l'es au bout de ton nez, s'il te plaît. Tu me rends mal et tout. T'as vu comment tu m'as maltraité pendant tout ce temps-là? Franchement, je comprends bien, Nicolas. Comment ça comprend? Tu vois, franchement, j'en ai ras-le-bol. Je vous avais même dit, là, il devait poster une lettre. J'avais dit, s'il te plaît, j'étais prête à faire des efforts et tout. Mais vous savez quoi? Il l'a pas posté. Voilà. Des trucs qu'on aime. Et c'est comme ça tout. Vas-y. Pleure. Ok, bon, ouais, alors on peut pas en placer une. Non, c'est compliqué. Franchement, j'ai pas envie, tu m'as fait trop de mal, franchement, pendant tout ce temps-là. Franchement, j'ai rien le bon. C'est quoi, vas-y, pas envie de t'entendre. Nicolas, mon poteau, te mets pas dans des états comme ça. Manon, on la passe pas à l'antenne parce que visiblement elle te fait encore beaucoup de mal et c'est vraiment pas l'idée. Non, on peut même pas en placer une, on peut pas dire quoi que ce soit. De toute façon, elle parle toute seule. Mais j'ai pas eu l'entendre, c'est tout, c'est comme ça. On pense, Nicolas, que pour ton bien, c'est bien de faire une petite pause, surtout quand on voit dans quel état elle te met là, juste en parlant. Oui. Couper les ponts, c'est pas une mauvaise idée. Et Manon, je sais qu'elle entend, et je pense que c'est pas non plus une mauvaise idée pour elle, parce que là, continuer une relation qui est pas sur des bases très saines, c'est une relation d'emprise. Hein. Ça va pas marcher. Complète. Ça va pas marcher. C'est de la tyrannie, évidemment que pendant ce temps-là, il y a une relation qui existe, mais il faut sortir de là pour en avoir une qui soit saine. Ouais. Évidemment, mais toi, franchement, je peux pas continuer comme ça. Non, bah, tu continues pas, Nicolas. Voilà. Toi, tu vas croire qu'après elle, il y aura plus rien. Comment tu vas faire sans elle? Tellement t'es amoureux. Et puis il y a un lien. Et puis il y a une vie. Mais non, Elle va sûrement te retourner le cerveau, oui, revenir gentiment faire, pour essayer. Quoi. Mais là, elle revient de pas de façon sympa, tu vois. Mais ça se trouve, à force d'essayer, elle va revenir de façon un peu plus tendre pour jouer sur le fait que tu la kiffes encore. Mais il faut que tu sois fort et que tu retombes pas dans ce jeu-là. C'est mauvais pour toi, vraiment. D'accord. Ouais, merci Alice. Bon, Nico, tu gardes la pêche, hein? Oui, bah, je vais essayer, mais je vais tout supprimer d'elle, je vais faire en sorte de partir d'être loin d'elle, parce que franchement, je peux pas. Tout mais franchement, fait. Merci beaucoup à toute l'équipe, parce que vous m'avez apporté beaucoup de choses. Il y a une vie après. Bien sûr. Oui. Et une bonne. Bien sûr. Et si t'as besoin de parler, Nico, comme on vous le dit toujours, hein, on est dispo, on est présent en message privé sur Facebook et tout, on papote la soirée ensemble, si t'as besoin de conseils, si tu veux même juste nous raconter ce qui s'est passé pour qu'on t'aide un peu, n'hésite pas, on est là. Je vous rappellerai dans ce cas-là si ça va pas. Bah, t'hésite pas, Nico, on te fait une grosse bise. Merci beaucoup à toutes les Salut, merci. Nico. Bisous, pas de bisous. Salut, gros bisous. Le zap de Coco dans un instant sur Fun Radio. Vous restez bien avec nous. Le 01 42 48 5000 pour réagir à tout ce qui se passe pendant l'émission. C'est chaud, là. Elle est chiante, Manon. Hein. Non, mais vraiment, quoi. 01 42 48 5000. On vous attend. Voici Lucas and Steve. Where have you gone, Fun Radio? I'm gonna search while you are my dawn. Screaming, I wanna know where you've gone. Ain't gonna stop, cause the love's too strong. Where do you hide? Let me know where you've gone. Where have you gone? Let me know, I wanna know where you've gone. I'm gonna search while you are night long. Dreaming, I wanna know where you've and Steve sur Fun Radio. Le zap de Coco dans Loving Fun sur Fun Radio. Et la battle dans un instant. Si vous voulez vous sélectionner au standard 01 42 48 5000, ce soir on va appeler des sex shops. Il y aura trois mots à faire dire à la personne que vous aurez au téléphone du sex shop. On vous donnera les trois mots, hein, juste avant de commencer. Si vous voulez vous inscrire, il y a 100 euros de chèque cadeau à gagner. 01 42 48 5000. Vous l'avez compris, c'est son grand retour. Après une semaine d'absence, puisque la semaine dernière, il n'avait pas le temps. Il était malade. Hein, il était malade. Il revient cette semaine pour un nouveau zap. C'est le zap de Coco du Standard. Donc, Coco revient sur deux semaines d'émission. Là. Deux semaines, une semaine, on va dire. Une semaine. Une semaine et demie. Parce que lundi, on était où? Ah bah on était à Rennes. En Bretagne. Au pays des Bigoudens. De Nolwenn Leroy. De la galette saucisse. Du Kouign-Amann. Des mecs qui s'appellent Goulven. Tchénavo Goulven. Et de la pluie. Ah, c'était sympa la Bretagne. Ah, et j'avais toujours rêvé d'y aller. Je vous jure, j'avais toujours rêvé d'y aller. Et en plus, je m'étais imaginé un jour y aller avec Frédéric Lopez. Tu sais, rendez-vous en terre inconnue. Je t'ai dit, oh regarde, il pleut là-bas. Et là-bas, elle pleut aussi. Bonjour madame. Bonjour. Ça doit être une autochtone. Allez, dégage, faire des crêpes la bigoudaine. Non, en vrai, c'était cool. C'était vraiment cool, les gens étaient super sympas. Après, on y est resté 24 heures. Tout le monde est tombé malade, sauf Karel. Tu dois avoir un patch antivirus. Tu sais, quand t'es né là-bas, tu dois avoir un truc anti-maladie. Tu dis n'importe quoi, personne n'est tombé malade. Si, Kassim, il était malade. Tout le monde était malade. Malide, Kassim seulement. T'es pas malade, Ali, t'es pas malade. Ali, c'est toujours malade. Arrêtez avec vos clichés, vous m'énervez. Par contre, Karel, il est pas tombé malade. Ça, c'est une affirmation. Mais il a pas supporté le voyage. Non, parce que cette semaine, elle était compliquée pour le James Bond bigoudin. Il était fatigué et vivement les vacances, comme on dit. Il y a de plus en plus de vues sur les vidéos, donc on voulait voler vrai. Oh. La première. T'as entendu ou pas? Oui, j'ai entendu. Ouais, entendu la première. J'ai entendu, oui, tout à fait. Mais ça. T'as décidé de présenter une nouvelle émission aussi. Ouais. Party fun jusqu'à 1h du mat. On se retrouve dès demain, 22h pour Love in Chun. Ciao tout le monde, à demain. Voilà. Love in Chun. C'est ça. C'est la version chinoise. Exactement, on sera en direct du 13e arrondissement de Paris. Hein, et dans quelques instants, on va manger du chien. Ah non, non. N'importe quoi. Non, non, au final, on va manger le chat de Karel. Oui, c'est bon, vas-y. Défonce ma petite chatte. D'accord. Hein? C'est jour de fête aujourd'hui. Ah bon, non, pourquoi? Jour de fête pour l'équipe de Love in Fun. Bah, on fête quelque chose aujourd'hui. Ça fait combien de jours là? 597, on arrive vers les 600 là. Putain, on va fêter les 600 jours de Méloche sans faire l'amour. Voilà, aujourd'hui on fête 600 jours. 600 jours pour Méloche. C'est faux. Pas du loup. Ça c'est fait 600. Faux, c'est faux, ça fait pas 600. J'ai calculé, ça fait 600. Elle est en train de démentir. Méloche, ça fait combien de jours? À minuit. À minuit, ça fera 600. Ça fera 600. Bah, on fête Noël le 24, pas le 25 maintenant, hein? Oui, non, ouais, à 23. À 53 minutes près, pardon. Bon, allez, merde. Ok. Ah, vous niquez mon zap, là. Ouais. J'allais dire, point, le désingue. J'allais dire, record battu. 600 jours sans orgasme. La dernière personne à avoir réalisé cet exploit, c'était Mireille Mathieu. Doc l'a bien connu. Et hier soir, il y a eu un litige pendant la battle entre Jérémy et Angélique. Ouais. Alors, Karel demandait aux deux candidats de citer chacun leur tour des prénoms, commençant par la lettre M, et ça a mal tourné. Angélique. La lettre M, vous le dites. Quoi? T'as dit quoi? Moulbit. M. Un prénom commençant par la lettre T'as M. T'as dit quoi comme prénom? Elle a dit Moulbit. Manu. Non, j'ai pas dit Moulbit. T'as dit quoi alors? Dit quoi? Vous dites. Manu. Ah, vous dites, elle a dit. Ah, d'accord. Non, j'ai dit vous dites, j'ai pas ouais, dit. Ouais, bien sûr. Non, elle a dit Moulbit. Moulbit. Elle a dit Moulbit. Elle a dit Moulbit. Alors, on a vérifié et après vérification, ouais. Angélique dit effectivement Moulbit. Ah oui. Moulbit. Ah, voilà! Moulbit. On l'a dit. Moulbit. Ah, on l'avait bien. Elle le dit au ralenti, ça fait moulbit. Et petite coquine, c'est Angélique. Hein. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu Karel, il y a deux options. Soit vous vous connectez sur funradio.fr et vous regardez en direct le live, soit vous vous écoutez ça et vous vous faites votre propre idée. Bah écoutez, chacun son opinion. Moi, sinon, moi je pense que. J'ai du pif. Hein. Écoute, regardez mon nez. Contre-argument. Ouais, pour info, Karel était pressenti en 2006 pour jouer le rôle de Cyrano de Bergerac au théâtre du Mogador. Ça fait plaisir, Coco. j'ai l'impression que c'est ma fête. Non, on finit, on continue. T'as raison, t'as raison. Et il y en a un ici, bah, je l'ai grillé. À chaque fin d'émission, tout le monde dit au revoir. Mais il y en a un, il s'amuse toujours à dire le mot de la fin. Il dit au revoir après tout le monde. Et ça, c'est Doc. Et il dit pas au revoir non plus. Il dit salut. Bonne soirée avec Adrien Thomas. Ciao. Au platine de Party Fun. Salut. Ciao. Salut. C'est les saluts de Doc. Les saluts. Ah. Le dernier est magnifique. Salut. Tu nous en fais un, Doc? Salut. Ah, voilà, magnifique. Et pour finir, hier soir, Arthur nous a appelé parce qu'il avait merdé avec son coloc. Alors rappelez-vous, son coloc n'arrêtait pas de faire l'hélicoptère avec sa bite. Et pour se venger, Arthur a appelé la meuf de son pote et il a foutu la merde entre eux. Et hier soir, pour s'excuser, il lui a écrit un rap. Ça fait longtemps qu'on se connaît, toi-même tu sais, j'ai déconné pour toutes les fois où tu m'as montré ta bite, en aucun cas j'aurais pu prendre la fuite, mais cette fois celle-là c'est pas passé. Une fois de plus tu me l'as montré, j'en ai ma claque, je suis dépassé. J'appelle ta meuf, j'ai mitonné en 3 secondes, j'ai tout cassé, mais tu peux pas savoir à quel point je suis désolé. Loïc, fais qu'on est ta bite et reviens tout de suite. Loïc, refais l'hélico, toi-même tu sais, t'es mon frérot. Ouais, joli. Ah, c'était pas mal. Super. Voilà, le public était là en plus et on a bossé ensemble avec Arthur dans la journée et on en a écrit un pour l'équipe de Love in Fun. Sortez vos cahiers, je viens donner des leçons de morale. Karel, tu serais moins recalé si t'avais un peu moins la dalle. Le mec joue à Fortnite, toujours en train de diquer. Il a touché des seins une fois, mais c'était en 3D. Alice est la seule femme de l'émission, tout le monde fantasme. Alice est son make-up, Alice est fait toute belle. Alice, ça glisse, ouais. Sauf avec Karel, toc toc toc, c'est le doc doc doc. Je voulais faire un petit speech mais j'ai pas trop le temps. Pas besoin d'un livre sur l'anal pour jouer au monde mon gland. Mais Loche, c'est la fille du standard. Un quart de siècle sans relation, un vide carré dans ton plumard. C'était le zap de coco, j'ai dit le zap de coco. Zap de coco, j'ai dit le zap de coco. Peace. Et voilà, et sur okay. ce... Et attends, ouais. Tu fais écrire ton zap par quelqu'un d'autre. Cet auditeur s'appelle comment? Il s'appelle Arthur. Il va remplacer le zap d'Arthur. Le zap d'Arthur. Ouais. Ah, ouais. On va en profiter, on en profite. Bravo Arthur. Ah, voilà, bravo, merci Arthur. Merci pour ton aide. Et sur ce, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Et salut, ciao. Salut Coco. Bravo Coco. On va appeler ton père pour savoir si ton père a trouvé que t'as été bon ce soir. Moi, je trouve qu'Arthur a été meilleur. On l'appelle Clo-Clo, le papa de Coco. Clo-Clo. Et Marie Clo-Clo. Et Marie Clo-Clo, la maman de Clo-Clo, de Coco. Putain, hey. Décroche plus ton père. Il a honte. Appelle Marie Clo-Clo sinon. Ouais. Oui, c'est possible qu'il ait honte ce soir, du coup. Il se dit, je vais pas décrocher. Il croit peut-être qu'il a été viré. Ah merde, il était là. Allô, Clo-Clo. Et l'autre, il raccroche la gueule de son père. Ah merde, il a pas répondu. Déconner. Allez, on rappelle. Ah là là. Clo-Clo. Salut. Salut Clo-Clo. Comment ça va, Clo-Clo? Bien, et vous, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Clo-Clo, tu sais pourquoi on t'appelle ce soir? Ouais, pour le zap de Arthur. Exactement. Absolument, Clo-Clo. Qu'est-ce que tu penses ce soir du zap d'Arthur? C'était mieux que d'habitude. C'est mieux que Corentin. Ah voilà, c'est mieux que ton fils. Hein. C'est vrai que pour le coup, tu penses pas que Coco aurait dû faire le zap à la place d'Arthur? Ah non. Coco, il a passé trop longtemps en Bretagne, à mon avis. Il a mangé trop de souvenirs. Ah, je parlais du rap, hein, pas du zap. Ah. Eh ben, écoute, Clo-Clo, je vais quand même te poser la question, même si j'imagine connaître ta réponse. Est-ce que Coco, avec son zap de Coco, revient la semaine prochaine? Oui, bien sûr, il revient. Ouais, allez, bravo, Coco. Hein? Merci, papa. Ouais, merci, papa. Alors, à bientôt, Clo-Clo. À bientôt, je suis bien content de l'entendre, Corentin, parce que j'ai pas souvent de ses nouvelles. Hein. Ah bah dis donc, t'appelles pas beaucoup ton père en ce moment. Ouais, excuse-moi. Bah tu l'appelles pas. Que je lui fais un... Il m'a coûté une fortune pour Noël, je l'appelle plus en ce moment. C'est plus de forfait. Ah, il s'est fait payer pas mal de bouteilles de vin avec modération, Coco, je te le dis. Hein. Ah ouais, avec modération, oui. Hein, il a la sifflette coupée là en ce moment là. Hein. Allez, à bientôt, Clo-Clo. Merci, bonne soirée à vous tous. Au revoir. Et embrasse Marie Clo-Clo. Hein. Bah oui, bah elle dort à côté. Ah, elle dort. Alors une petite tape sur les fesses. Exact. Je rappelle que c'est l'habitude de Clo-Clo, hein, sinon je ne me serais pas permis, bien évidemment. À bientôt Clo-Clo. À bientôt. Salut. Au revoir Clo-Clo. Au revoir. Et dans un instant, c'est la battle sur Fun Radio. On va offrir 100€ de chèque cadeau à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. Vous restez bien avec nous. On aura aussi Jessica. Jessica, elle a 19 ans et elle va nous parler. Oh là là, ça va être très très dur ça. Hein. Elle va nous parler de harcèlement et de viol. Vous restez avec nous. On revient dans un instant sur Fun Radio 01 42 48 5000. Suivez-nous sur Facebook, la page Loving Fun. Fun. Le calendrier de l'Avent est de retour sur Fun Radio. Tous les jours. Inscrivez-vous en envoyant le mot Noël par SMS au 74 900. Pour tenter de gagner des PS4, des séjours à Avoria 1800 pour le réveillon, des Nintendo Switch et plein d'autres surprises. C'est gagné, bravo! C'est déjà Noël. Merry Christmas. Avec le calendrier de l'Avent Fun Radio. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Funradio.fr. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. And I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. Thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. C'est l'heure de l'appel anonyme sur Fun Radio. Vous le savez, à tout moment, dans le VinFun, on déclenche l'appel anonyme parce que Jessica, elle a 19 ans, nous a appelé. Donc l'appel anonyme, vous comprendrez bien qu'elle ne s'appelle pas Jessica. Par contre, tu as bien 19 ans, hein ? Oui, c'est ça. Bonsoir. Alors, on va t'appeler Jessica. T'as décidé de témoigner ce soir anonymement. Et d'ailleurs, c'est une possibilité qu'on vous offre à chaque fois parce que parfois, c'est pas évident de parler de sujets très lourds. On n'a pas forcément envie d'être reconnu. Toi, Jessica, tu veux nous parler de quoi ce soir ? Salut Karel, salut Alice, salut Doc. Salut Jessica. Salut. Donc, je suis venue vous parler de ce qui s'est passé dans mon passé en fait. Ouais. Donc, à 6 ans en fait, mes parents me faisaient garder par un de mes grands cousins qui avait plus de 30 ans. Ouais. Donc, au départ, tout se passait très bien. Il venait me chercher chez moi, il m'emmenait chez lui, donc tout se passait très bien. Et en fait, il y a un moment donné où je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, il y a un jour où il m'a agressé sexuellement. Donc, en gros, ce qui se passait, c'est que il me mettait dans son lit, en fait. Et en fait, il me déshabillait, il me disait qu'il allait pas me faire du mal, en fait, que c'était juste pour me faire du bien et que c'était le moment que je comprenne tout ce qu'il allait me faire en fait, et que en gros il me mettait des doigts, il me léchait au niveau des parties intimes, Il me demandait si ça me faisait du bien. Moi, j'essayais de crier, j'essayais de lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais ? Me touche pas là, c'est pas bien. » Et en fait, il me disait « Mais non, t'inquiète pas, surtout dis rien à tes parents m'ont donné l'autorisation, c'est juste pour te faire du bien et t'inquiète pas, tout va bien se passer. » Tu avais quel âge ? J'avais 6 ans. Mais quelle horreur ! Ouais. C'est horrible. C'est de la pédophilie. Oui, c'est du viol. Oui, tout y est. Donc... avec toutes les bonnes astuces, ouais, les parents ont donné l'autorisation, t'inquiète, je te fais du bien. Enfin, c'est ce que tous les violeurs et les pédophiles disent. D'accord. Donc, bon. Jessica, tu vis ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Parce que au bout d'un moment, tu finis par en parler, non? Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'allais chez lui, puis il continuait à me toucher, à me dire que c'était bien, que c'était, du coup, à force, j'ai commencé à y croire, et je bougeais plus, je criais plus, parce que, pour moi, en fait, c'est à cause de moi, en fait. Pour moi, c'est moi qui cherchais à qu'il me fasse tout ça, en fait. Ouais, c'est ce que les victimes pensent, hein, petit à petit. Et du coup, vu qu'il me disait, tes parents m'ont donné l'autorisation, pour moi, mes parents, tout ce qu'ils faisaient pour moi, c'était bien. Donc, je me suis dit, en fait, c'est pour mon bien qu'ils me font ça, en fait. Et comment tu t'es sortie de là? Comment ça a évolué? En fait, je vais vous expliquer. En fait, plusieurs années se sont passées après. Et en fait, je suis rentrée en primaire. Et au départ, toute la primaire, ça se passait très bien. J'avais oublié cette histoire. J'ai essayé d'oublier, mais j'étais devenue une enfant très renfermée, en fait, à cause de cette histoire. Ah oui, bien sûr. Et en fait, j'osais pas en parler à mes parents, je me disais qu'ils allaient pas me comprendre, qu'ils me croiraient pas, et qu'en plus, pour moi, je croyais encore que c'est eux qui avaient donné l'autorisation. Ouais. Et en fait, du coup, je me suis raccrochée à l'école, et j'ai essayé d'être la meilleure à l'école pour en tirer mes parents, de faire tout bien comme ils voulaient, en fait. Et en fait, j'arrivais pas à m'intégrer dans les groupes d'enfants et tout. Et en fait, quand je suis rentrée en CE2, en fait, les enfants commençaient à me mettre à l'écart, à me bousculer dans la cour, en fait, l'harcèlement, j'ai commencé à avoir de l'harcèlement scolaire, en fait. Mmh. Et en fait, on commençait à me mettre à l'écart, à rigoler de moi, à me bousculer dans la cour pour que je tombe, que je me cogne la tête par terre, des trucs comme ça. Ouais. Et en fait, jusqu'en CM2, ça a été ça. Et en fait, on a parlé à quelqu'un de ça? Oui, sans trop, en fait, j'en avais un peu parlé à... Après, j'ai été suivie par des psys, du coup, j'en ai parlé un peu à des psys, mais au départ, j'en parlais pas du tout, je suis restée renfermée, en fait. Ni à tes parents, ni à CPE, ni à quoi que ce soit de ce genre? En fait, en primaire, non. En fait, en primaire, j'ai pas fait les démarches, mais en CM2, en fait, au mois de février, mon papa s'est tué sur la route, en fait, parce qu'il était routier, donc il s'est tué avec son camion. Donc, que mon papa soit décédé, un an après, je suis rentrée en sixième. Au collège, excusez-moi. Mmh. Et les gens du collège, les gens de la primaire m'ont suivi au collège. D'accord. Ils ont commencé à lancer une rumeur qu'en fait, c'était moi qui avais trafiqué le camion de mon père pour qu'il ait un accident. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es restée avec ta maman? Oui, en fait, j'habitais avec ma maman, mais voilà, j'étais liée à moi-même, en fait. Quand j'étais au collège, ma mère s'est mise avec quelqu'un, et en fait, il avait des enfants, en fait. Et il m'a agressée aussi, lui, sexuellement, en essayant de me toucher, et en fait, parce que vu que j'étais avec, mais vu que j'étais jeune, et j'ai refusé d'avoir des rapports avec lui, je trouvais que c'était trop jeune. Et vu que lui n'a pas compris, il a forcé, et puis il me touchait, il essayait de me mettre des doigts, se frotter contre moi pour qu'en gros j'ai envie de lui, mais moi j'avais pas envie de lui, du coup il continuait, en fait. Et est-ce que ta maman était au courant? Non, au départ, j'ai gardé ça pour moi. Au départ. Alors là, tu nous racontes toute ton histoire depuis l'âge de tes 6 ans. On a eu une personne qui est victime de pédophilie, qui est harcelée pendant toute son adolescence, hein, dès que t'as été à l'école, t'as été harcelée au collège, t'as été violée par ton beau-père. J'étais agressée sexuellement. Voilà. Enfin, si t'as mis des doigts. Par ton cousin. Hein, s'il a mis des doigts, c'est un viol. Ouais, oui. S'il a mis des doigts, c'est un viol. D'accord. Voilà. Bien sûr. Dès qu'il y a une pénétration, un doc. Oui, c'est ça. Dès que quoi que ce soit pénètre où que ce soit, c'est un viol. C'est un crime. D'accord, je savais pas. Ouais. J'ai peur de t'entendre continuer ton histoire, Jessica. C'est fou cette vie que tu as eue là. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé après? Et en fait, j'ai commencé à faire une grosse dépression foudroyante. Je fuguais de chez moi. Quand j'étais au collège, je fuguais du collège. Je faisais des tentatives de suicide. J'ai fait une tentative de suicide une fois au collège directement. En fait, j'étais dans une classe et j'avais été acheter une corde avant dans un magasin et en fait il y avait un luminaire en haut de accroché au mur et j'aurais dit voilà vous me faites vivre l'enfer, j'en peux plus, pour moi elle est terminée. Et en fait j'ai essayé de me pendre en fait. J'avais envie de mourir. J'avais envie de mourir en fait. Et en fait les surveillants m'ont dit t'inquiète pas, on va trouver une solution, si t'es pas bien, faut que tu nous en parles, on va t'aider. Et du coup j'ai dit si vous m'aidez, je veux bien. Et du coup je suis descendue de la table et j'ai dit aidez-moi, j'ai besoin. Et en fait je leur ai expliqué l'harcèlement scolaire, en gros ce qui m'arrivait, les coups, les insultes depuis la sixième, en gros je leur ai expliqué juste depuis la sixième. Ouais. Et en fait ils m'ont pas cru. Et en fait ils ont le proviseur a j'aurais donné des noms et ils ont convoqué les élèves que j'avais donné des noms et en fait ils ont dit qu'en gros j'étais une menteuse, en gros que c'était moi qui m'inventais une vie. Et du coup vu que j'étais en dépression, ils ont dit que c'était moi qui m'inventais une vie et qu'il fallait que j'arrête de raconter des bêtises quoi. Mmh. Tu fais quoi là dans la vie là maintenant, t'as 19 ans? Là pour l'instant j'ai eu un CAP vente quand j'ai réussi quand même à aller au lycée, j'ai eu un CAP vente et bravo. Mais j'arrive pas à trouver un travail parce que j'ai peur d'aller dans une entreprise et de me faire harceler. Mm-hmm. Ah oui, et ça se comprend. j'ai même peur de sortir toute seule toute seule dans la rue. Quand je sors dans la rue j'ai mes écouteurs, j'essaye de me dire qu'il y a personne autour de moi pour pour pas entendre le bruit des gens, les gens parler ou même rigoler. Est-ce que tu serais capable d'en parler à un policier aujourd'hui, à la police, aller au commissariat et raconter toute ton histoire? Je sais pas si vraiment je suis prête en fait. Jessica, ouais. tu viens de le faire ce soir et c'est déjà un premier pas parce que franchement on est tous choqués. Hein, vraiment, je vois Alice, ouais. Je vois Doc, Kassim, on est tous complètement choqués. Moi je t'avoue que Jessica, ça fait quelques années que je fais cette émission hein, et j'ai jamais entendu un témoignage aussi fou. C'est-à-dire ça commence à l'âge de 6 ans, ça s'arrête jamais. Qu'est-ce que t'es courageuse, Jessica. Courageuse. Enfin, c'est fou, quoi. Et tu n'as pas été aidée. Mm-hmm. J'ai jamais entendu dans tout ton témoignage quelqu'un qui t'a pris par la main et qui t'a aidée, quoi. En fait, maintenant, ça fait plusieurs mois là que je suis avec quelqu'un. Oui. Et lui essaye de m'aider, essaye de trouver des solutions avec moi pour que je puisse m'en sortir de tout ça en fait. Ah, et Doc, il a raison, hein. Jessica, il va falloir, je pense, que tu retrouves tes agresseurs. Ça fait partie. Au moins déjà aller porter plainte, ouais. Peut-être avec ton amoureux, si toute seule c'est difficile, mais avec lui il va te soutenir. Mais pour une raison, c'est que ça va être écrit. Et ça sera écrit devant la loi et devant le droit. Après, ils vont les retrouver, pas les retrouver. Évidemment, c'est des histoires plus compliquées, mais ensuite, ça t'appartient plus. Mais au moins, c'est écrit comme quoi, voilà, tu as vécu tout ça. Ouais. Il faut que le droit, la loi l'entende. Ensuite, ça fait son travail. Et puis toi, c'est important aussi parce que ça va te permettre de sortir de cet état de victime. Parce que, en fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on est tout petit, comme toi tu l'as été, toute petite, à 6 ans, et qu'il arrive la première chose atroce, c'est-à-dire que ton grand cousin te viole, eh bien après, ça te met dans un état psychologique d'être tout le temps apeuré de tout. Et donc, les gens en face de toi voient elle a été victime, elle va être une proie facile. Et il recommence, et il continue, et il continue, et il continue. Et donc, l'important, c'est d'arriver, et c'est un travail aussi avec les psys, hein, et en parlant à la police, c'est de te sortir de cette situation dans laquelle tu es, qui est celle de la victime, d'arriver à reprendre un chemin normal, une vie que tu maîtrises, une vie que tu contrôles, pouvoir sortir de chez toi, et vivre normalement comme tout le monde, sans être dans la peur. Là, tu n'arrives même plus à sortir de chez toi. Bien sûr, et là c'est mon copain qui m'a aidé à vous écrire sur le truc, parce qu'au départ je voulais pas, j'avais peur d'en parler. Tu pourrais peut-être d'être jugée, en fait. Tu pourrais peut-être aller voir une assistante sociale. Ouais. Tu pourrais, voilà, les psys, ils n'ont pas à en parler à ta mère, hein, si toi t'as pas envie. Je veux dire, t'as largement là. Là, je suis majeure, donc là, ils ont voilà, pu, c'est ça. Tu fais ce que tu veux. Il n'y a plus de compte à rendre à ta mère, hein, donc tu vas aller voir. Peut-être, je sais pas, changeant si t'as arrêté parce que tu trouvais que ça se passait pas bien. Mais c'est important. Non, je vais reprendre avec. D'accord. En fait, au départ, j'étais dans en psy enfant. Du coup, là, ouais. J'ai décidé de reprendre une psy adulte. Très bien. Comme Doc te l'a dit, aller peut-être voir la police. Oui, c'est important. Parce qu'il y a aussi des personnes. Alors là, on pense plus seulement à toi, mais on pense aussi aux autres personnes, c'est-à-dire qui pourraient voilà subir. Parce que là, t'as été victime d'un pédophile quand t'avais 6 ans. Cette personne-là, elle est toujours dans la rue. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai appris il y a quelques mois qu'il avait agressé une de ses propres nièces. Bah et voilà. Une petite fille qui habitait en face de chez lui. Ouais. Mais en fait, quand j'ai été en dépression, j'en ai parlé à ma mère que mon cousin m'avait agressée. Ouais. Et elle m'a pas cru. Elle m'a dit, t'as pas intérêt à les porter plainte parce que en gros, tu vas nous faire honte. Ouais, tu vas nous faire honte. Évidemment, ouais, la honte sûr. Sur la famille. Mais ça, non, mais la maman a dit n'importe quoi. Hein? Toi. Un policier, il doit t'écouter, t'entendre et écrire ce que tu dis. Il n'a aucun jugement à porter, lui. Il y a une enquête qui se fera derrière. Il est là pour écrire ton récit. Et voilà, c'est tout. Et donc après, maman, on s'en fiche. Elle veut pas te croire. C'est pas le problème. Tu vas voir un officier de police pour le raconter avec ton copain pour pas que tu sois toute seule. Alors, Jessica, je sais pas ce que tu attendais de ton appel ce soir. J'attendais juste. C'est vrai que j'attendais que de pouvoir en parler, de me libérer en fait d'un poids qui est énorme et ça me fait vraiment du bien d'en parler à des gens que je connais pas. Bah voilà, on est enchanté de faire ta connaissance, Jessica. Ouais, moi aussi. Et tu sais, franchement, ça m'a fait du bien et de vous en parler. Et franchement, ça me relève un poids en fait que j'avais énormément en fait. C'est peut-être dur à comprendre, mais j'ai tellement pas été aidée quand j'ai eu des problèmes que j'ai du mal à me dire quelqu'un peut m'aider en fait. Quelqu'un peut réussir à m'aider et me sortir de tout ça. C'est vrai que c'est compliqué dans ma tête encore. En fait. De faire confiance. On peut comprendre. C'est à peu près logique vu ton histoire. Mais il y a aussi des l'assistante sociale, elle peut venir chez toi par exemple pour écouter ton histoire et voir comment elle peut t'aider. Elle vient à la maison. Et puis après, tu peux envoyer des mails ou téléphoner à des associations et il y a quelqu'un qui se déplacera. T'es pas toujours obligé toi d'y aller en permanence. Oui, bien sûr. Ouais, bah tu vas pas quitter, on va te repasser coucou au standard et on va te trouver tout ça. Et surtout on va te suivre, Jessica, on prendra des nouvelles de toi là assez rapidement pour savoir comment tu vas et justement si tu as commencé ces démarches. Là ce soir c'était un premier pas en direct dans toute la France. C'était vraiment un premier pas important pour moi. Et tant mieux si ça peut servir à ce que tu ailles mieux dans les mois. Et je vous remercie de m'avoir écouté. On est là pour ça, Jessica. On te fait des gros bisous, Jessica. Oui, moi aussi, je vous embrasse. Bisous. Et encore merci. Salut Jessica. Salut. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Dans un instant, c'est la battle. Vous restez bien avec nous. Et en attendant, c'est comme promis le nouveau Kaigo. We don't wanna believe it, that it's all gone. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know. Should've known better, but kept on trying. And it's time that we see it, the fire's dying out. Can't believe that I see this, we're out of chances now. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go and I it if I just held on. But it's really crazy how love could fade so fast. We said forever, but now we're in the past. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'd be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go and I hope you'll be happy now. You and me, it was good, but it wasn't right. And it'd be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on. Au Kaigo sur Fun Radio. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Et oui, vous le savez, à tout moment dans cette émission, vous pouvez venir poser vos questions à la con. C'est des questions, voilà, qui sont un peu plus cons. Existe-t-il vraiment des questions cons? Hein, c'est vrai, il y a pas de mauvaise question. Il y a toujours une vraie question là, une question à la con. Eh ben justement, on va le savoir là maintenant avec Ismaël, 15 ans de Paris, qui est avec nous. Bonsoir Ismaël. Bonsoir tout le monde, c'est Salut. La famille. C'est la Salut. Famille, mais bien sûr c'est la famille. Ça va Ismaël? Ouais. Ouais, t'es content d'avoir une famille tous les soirs entre 22h et minuit? Absolument. D'accord, j'endors pas de la nuit, je voulais quand même partir fun. C'est un problème pour l'école d'ailleurs. Ah bon? Pourquoi tu te réveilles à quelle heure toi? Je me réveille à 7h. Oh putain, ah ouais, c'est chaud. Partie ouais. fun jusqu'à 1h du mat, du coup de oui. une, tu dors 6h quoi. Ouais, c'est ça. Ah. Ça fait pas beaucoup. Pas bien, Doc est pas oui. content. Mmh. Hein, tu vas aller au dodo. Oui. Allez, maintenant. Et Ismaël, d'abord, pose ta question à la con et raconte-nous tout ça là. On veut savoir. C'est quoi? Alors, en fait, j'ai un peu peur de me raser la barbe. Donc, je voulais savoir si on se rase la barbe, si on ne se rase jamais la barbe, est-ce qu'on aura une barbe à duvet? La barbe, c'est pas la barbe, c'est la barbe, hein? Redis-moi le barbe. Une barbe. Une barbe. Une barbe. Alors donc si on se rase jamais la barbe, qu'est-ce que? Eh bien non, malheureusement ça va se transformer en poil. Ah ouais. Oui, oui. Non parce que c'est vrai que c'est la poussée de testostérone. C'est parce que t'as pas beaucoup de testostérone à un certain âge que t'as du duvet et puis après la testostérone monte et là de toute façon les poils se transforment. T'as du duvet ou pas là en ce moment Ismaël? Je préfère pas répondre à cette question. Ah ouais, donc t'as du duvet. Alors franchement si t'as du duvet, rase. Hein, c'est un conseil Alice ça. Bah c'est voilà, c'est surtout que c'est pas hyper esthétique quoi le duvet. C'est un peu particulier, on sent que c'est genre puberté non, petit non, duvet quoi. Je suis plutôt un berbe, donc ça devrait. Ah, être... ah bah, ça bon, va. Bah, tout va bien alors. Va bien. Non mais c'est vrai, vous avez tous un mec dans votre classe qui pense qu'il a de la moustache et en fait non. Oui c'est ça. Bon, il a juste des poils. Voilà. Hein, et il faut lui dire de raser ça parce que c'est dégueulasse. Mais c'est il, trouve moche. Ça, il trouve ça stylé finalement. C'est un peu genre non. ouais mec, moi j'ai de la moustache alors que vous avez pas de poils, sauf que bah le duvet non, c'est chaud. Non. On parle pas de toi enfin. Il a juste la flemme de les raser. D'accord. De toute façon, ça va venir parce qu'à un moment donné, ça sera plus du duvet, ça va être des vrais poils. Et bon, bah, à moins qu'il veuille une barbe, il va se raser de toute façon. D'accord, Ismaël. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, merci. Hein. Ah bah, de rien, Ismaël. À bientôt. Eh, va te coucher, Ismaël. T'as l'air crevé. Ah bah, j'ai désobéir. Ok. Il a dit quoi? Je vais désobéir. Ah d'accord. Bon tu fais ce que tu veux. C'est pas un an. Allez salut Ismaël. Ciao. Salut. Ciao. La battle dans un instant. Nous allons appeler des sex shops d'ici quelques minutes. Restez avec nous, ça va être très sympathique. Il y a deux auditeurs qui vont s'affronter. Ils vont appeler des sex shops. Ils auront trois mots à faire dire au sex shopper hein, qui aura décroché. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez participer. C'est le 01 42 48 5000. Il y a 100€ de chèque cadeau à dépenser sur t-shirt-corner.com. Et on va revenir avec Calvin Harris et Promises, à tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat en tapant Love in Fun Radio. Y'all ready?

promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. L'un des sons préférés d'Alice. Forcément, il y a Sam Smith, hein, attention. Moi, j'adore. Ah bah oui, Sam Smith, Calvin Harris, Promises sur Fun Radio. La battle, Loving Fun, sur Fun Radio. C'est la battle tous les soirs, vous le savez, c'est un nouveau jeu. Ce soir, on va faire le jeu des sex shops. Pour jouer avec nous ce soir, on va accueillir Mathieu, 24 ans de Bordeaux. Bonsoir Mathieu. Bonsoir tous. Bonsoir, bonsoir Mathieu, t'es bordelais. Tu penses avoir tes chances ce soir pour la battle? Oh, pourquoi pas, oui, je pense. Alors ça, c'est pourquoi pas, on peut pas dire que tu pars un esprit de grand gagnant, là, hein, Mathieu. Non, j'espère. J'ai l'impression que c'est Mathieu, c'est sur un malentendu. C'est un petit coup de chance. Voilà, ou... un petit coup de chance. Par contre, Laura, elle est motivée. Hein. Bonsoir, Laura. Bonsoir, salut. Laura. T'as 25 ans et t'es de Marseille, toi, Laura. Hein. C'est ça. D'accord. Et toi, tu penses avoir toutes tes chances? Mais à mort. À mort. Eh bien, alors attention, parce que vous n'êtes pas deux ce soir pour jouer à la battle, mais vous êtes trois. Figurez-vous qu'il y a un auditeur qui assiste à l'émission ce soir, qui s'appelle Jacques, et qui depuis le début de l'émission veut devenir chroniqueur dans Love in Fun. Je lui ai dit, tu vas commencer par jouer déjà pour commencer. Salut Jacques. Salut Karel. Salut l'équipe. Ça va? Alors tu veux ça devenir... Ça va nickel. Tu veux... Non, parce que il est venu assister à l'émission, il nous a dit, c'est un facile ce que vous faites. Vous parlez, tout ça, comme ça. Ça, ça bah, facile, mais difficile en même temps, je pense. Ah ouais? Ouais. Bah écoute, déjà, tu vas nous montrer un petit peu l'étendue de ton talent, puisque ce soir, nous allons appeler, et c'est valable pour Mathieu et Laura, des sex shops. Vous allez avoir trois mots à faire dire à la personne que vous allez avoir au téléphone. On reste dans la thématique Love in Fun, dans la thématique sex shop. Les trois mots, vous les notez bien, Mathieu, Laura et Jacques? Ouais, moi ouais, c'est bon. Alors, God Michet, poupée gonflable et anal. À faire dire à la au téléphone. Mathieu, on va commencer par toi. On va appeler un sex shop. T'as 2 minutes, hein, pas une seconde de plus. 2 minutes. D'accord. Pour essayer de faire dire un maximum de mots. God Michet, poupée gonflable, anal. On appelle tout de suite le fameux sex shop Souvenir Sexy Shop à Paris. Je l'ai là-bas une fois. Très très beau God. Bonne chance Mathieu. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui. Je suis réalisateur de films pornographiques. Je cherche des partenariats dans le coin. Et j'aurais voulu savoir ce que vous auriez pu me proposer, car j'ai des actrices très coquines. Là, il faut appeler la journée. Comme ça, vous allez tomber sur les patrons, vous voyez avec lui. Mais vous n'avez rien... à me proposer, car moi, mes gars... C'est pas ma boutique, donc je peux rien faire, je peux rien dire. Donc c'est lui qui décide. Et mes gars, ils cherchent des filles virtuelles. Vous sauriez ce que... Mince, j'ai oublié le nom, là. Vous n'auriez pas une idée? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une poupée? Si vous voulez des poupées, voilà, et il faut se déplacer. Ou on peut souffler dedans, là? Ah ben oui, non, il y a des poupées, quand vous voulez vraiment la vraie poupée, il faut compter dans le 3900, 4500, ça c'est des poupées comme une vraie femme, hein. Ce n'est pas des poupées à 29 euros, 79 euros, qui, hein, mais si, ça dépend de votre possibilité, si vous voulez poupées à 29 pour euros, ok, jamais, à 40 euros, 59 euros, jamais. Mais si vous voulez, vraiment comme des vraies femmes, c'est à partir des 3900 et vous montez au-dessus. Et pour les femmes, vous pourriez... Non, il n'y a pas de pit ici. Nous, on n'a pas de pit, donc on n'a pas de femmes. Ce n'est pas des cabarets ici. Si vous voulez, vous les appelez des cabarets ou des bars. Là, il y a des Moi, j'ai mes propres actrices. Hein. Vous passez un moment avec eux, mais nous, non. Oui, non, mais moi j'ai mes propres actrices et je cherche du matériel. C'est terminé, Mathieu. Oh mon Dieu, quelle catastrophe. Ouais, bonsoir, Souvenir Sexy Shop. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Alors, Mathieu participait à un jeu et devait vous faire dire poupée gonflable. Mais pourquoi tu t'as pas dit comment ça s'appelle les poupées comment, Mathieu, enfin. Je lui ai dit qu'il élevait le poupée. Gonflable. Gonflable. Gonflable. J'ai dit tout simplement poupée, mais bon, c'est gonflable. Hein. C'est là à 29 euros, 39 euros, ça c'est. Alors, par contre. Mais c'est pas des pites. Monsieur du sex shop, la poupée gonflable, au départ elle vaut 3000, après elle vaut 1500. Ça dépend lesquelles. Ça dépend. Les 3000, c'est comme des vraies femmes. Gonflable, c'est moins cher par rapport à la vraie poupée comme une femme. Celle-là, ça coûte plus cher. Et alors, est-ce que vous avez le modèle, parce que Alice en parlait tout à l'heure, est-ce que vous avez le modèle juste avec la tête? Si, on a des modèles. Mais on peut pas les sortir hein, dans la boîte. Et est-ce que si je viens, par exemple, je peux essayer la poupée gonflable, voir si mon pénis rentre bien dans. Non, ça on l'essaye pas parce que c'est des trucs personnels. On peut pas l'essayer. Ah, c'est personnel. Ah, voilà. Bah oui, bon, chacun sa poupée. Je vais réfléchir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bon, alors voilà, donc comme ça, Laura et Jacques savent exactement ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Quelle stratégie de merde. Eh, dis donc, Mathieu, tu t'es chié dessus. Mais alors, je suis réalisateur de films porno. Non, mais... Moi, tu sais lire. Ça, c'est... Oui, bonjour, je vous appelle. Alors, Mathieu, écoute, je suis désolé, je regrette de te dire que t'as marqué 0 points. Laura ? Ouais. Les trois mêmes mots, godniche, poupée gonflable et anal. 2 minutes pour les faire dire par la personne que tu vas avoir au téléphone. Nous appelons la Romanella Sex Shop à Nice. Ou le X Center Sex Shop à Marseille peut-être. Ah là, encore mieux. Bonne chance. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, je voudrais faire un cadeau pour un ami pour Noël. Oui. Et on m'a parlé de alors je voudrais pas une vaginette, mais un truc qui se gonfle. Un truc qui se gonfle, c'est-à-dire une poupée? Oui, mais elle est comment cette poupée? Alors on a plusieurs modèles, je vous invite à passer en magasin demain, là on va fermer. D'accord. Mais sinon le chapelet ou le rosebud, c'est pour quelle relation vaginale? Anal, madame. D'accord. Et le vrai nom du rabbit? Le vrai nom du rabbit? Ouais. Alors, vous voulez que je vous donne tous les noms de tous les rabbits qu'on a, parce qu'on a différents. Non, du tout. Juste comment ça s'appelle de base. On leur a donné des noms, mais avant, c'est normalement le mot normal. Ça avait un nom, un turc, oui, je crois que c'était ça. Non, mais la catégorie, c'est... Stimulateur clitoridien. Non. Il y a un stimulateur clitoridien sur les rabbits. On appelle ça comment? Un vibromasseur. Oui, mais l'autre, non. Moi, j'appelle ça un vibromasseur. Oui, mais quand en général, on le raccourcit. Un vibro? Non. Bon, en anglais. Qu'est-ce qu'il vous fallait en fait? Faire un motus ou. Non, du tout. C'est juste que je ne me souviens plus et il fallait absolument que je trouve le nom qui me fallait. D'accord. Et pour la poupée, du coup, mais comment elle est vraiment. Enfin, on peut la gonfler? Comment ça se passe? C'est vraiment une poupée. Gonflable, en effet. Donc on a plusieurs modèles. Hein. On a un modèle rond, un modèle blond, un modèle brune. D'accord. On a même un homme, si vous voulez. Après, on a des modèles avec vagin, avec anus en silicone, vagin en silicone. Le vrai nom des vibromasseurs, vous ne connaissez pas? Top, ça fait 2 points. Ça fait 2 points. Bonsoir, le X Hunter Sex Shop à Marseille. Oh putain, fermé là. Bonsoir, ouais, ça va, dis donc, tu peux bien, c'est jusqu'à minuit, il est 54. Okay. Ah ouais, enculé. T'es en direct sur Fun Radio, X Hunter Sex Shop. Et alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Eh ben, il nous faut un godmichet, une poupée gonflable pour faire de l'anal. Voilà, c'était les trois mots. Okay. Les trois mots. Oui, les trois mots. On a ça. Mais putain, mais j'ai un peu, j'ai qu'est-ce qu'elle veut? Faire motus ou. Elle t'a saoulé ou pas un petit peu? Elle a commencé à me fatiguer, voilà. Ah, un petit peu. Boule noire, frère, tu m'as gonflé. Laura, défends-toi enfin. Bonjour, passez une bonne soirée, ma grande. Je vais fermer le magasin. Je t'ai invité à passer demain. Voilà, vous avez serré les. Bonne soirée. Allez, à bientôt. À bientôt, le X Center Sex Shop à Marseille. Bah, bravo, Laura. Ça fait 2 points. Mais. Pas mal. Mais ce n'est pas fini, car Jacques, qui veut devenir chroniqueur sur Fun Radio, va tenter sa chance. Ce soir, Jacques est venu assister à l'émission. C'est un auditeur de Love in Fun. Il est à Paris. Il a passé une tête ici. On lui a dit, bah, vas-y, participe au jeu. Toi aussi, tu vas peut-être pouvoir gagner les 100 euros de chèque cadeau à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. T'es prêt, Jacques? Eh ben, grave. On y va. C'est ton moment à toi. On appelle tout de suite la Romanella Sex Shop à Nice. God Michel, poupée gonflable, anal. Bonne chance, Jacques. Je prends. Allô? Allô, oui, bonsoir. Je vous appelle parce que ma copine a envie de tester des trucs sexuellement et du coup je vous appelle parce que elle m'a demandé 2-3 objets mais je sais pas trop comment ça s'appelle. Et il y a un truc, c'est en forme de pénis en fait. Là nous sommes fermés là. Vous pouvez rappeler demain? Le truc c'est que c'est pour cette nuit en fait. Elle va rentrer là. Ah désolé, au revoir. Aïe aïe aïe, Jacques, c'est perdu. Mais non, n'importe quoi. Mais là c'est un bizutage là, enfin. On n'est pas des enfoirés, Jacques. Il termine tout ça. J'ai du pas de bol. C'est pas grave. Tu te débrouillais bien pour l'instant. Bah ouais. On va appeler un autre sex shop. C'est à Toulouse. Allez, c'est parti. On y va, j'ai 3 points à faire là. Ah, t'as 3 points à faire. Allez. Bonne chance, Jacques. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Je vous appelle parce que j'ai envie de tenter des trucs avec ma copine. Sauf que le truc, c'est que je m'y connais pas trop en fait en sextoy. Et elle m'a demandé, par exemple, c'est un pénis un peu dur en fait. Qu'on s'enfonce dans le corps, je sais plus le nom. Ça, il faut passer en magasin. Je connais pas toutes les références. Des pénis durs, il y en a. Non, mais pas toutes les références, le nom de base du truc. Franchement, je peux pas vous dire. Le truc en forme de pénis, en fait. Un vibromasseur. Elle cherchait pas un truc un qui plug, vibre. Un plug, peut-être. Non, un truc vraiment en forme de pénis qui vibre pas, un truc simple. Ah ben un god tout simplement. D'accord. Ok, voilà. Je le note. Et il y a des trucs qui s'enfoncent. Alors pas les côtés recto, je sais. Attendez, monsieur. Non, je vois la porte. Bon, ouais. Merci à vous. Bonne soirée. Ouais, je vous écoute. Oui, parce qu'en fait, je me demandais s'il y avait des trucs qui se mettaient, alors pas dans le recto, dans le côté verso, un synonyme de rectal, je sais plus le. Un double code. Non, juste pour le verso, mais pas rectal, j'ai plus le. Écoutez, les blagues au téléphone, j'aime pas trop. Non, mais c'est pas une blague, c'est. J'ai appelé 2 fois avant, là, c'est pas très marrant. Donc je vous dis, si vous voulez, vous passez en magasin, vous voyez ce qu'on a. Au téléphone, on vend pas au téléphone, nous. Voilà, non, mais j'imagine, c'est juste pour les termes. Donc voilà, si vous n'avez pas les références, vous foutez un peu de ma gueule, il y a Internet, tout ça. Donc si vous voulez vous foutre de ma gueule, vous venez en face, vous me le faites en face. Au téléphone, j'aime pas ça. Oh! Alors, Jacques, s'est-il passé? Il avait quand même bien géré son truc, quoi. Ouais, j'avais tenté un truc et tout, mais. T'es pas patient, le mec. Ouais, c'est ça. En fait, dès que t'es coincé, bah, du coup, tu peux pas recevoir le truc. Tu peux pas lui faire croire que c'est pas une blague. C'est dur de faire croire au pipeau, en fait. Ah, c'est ça, être chroniqueur dans la vie. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que ça a l'air simple comme ça, mais en fait, c'est super compliqué. Voilà. J'espère qu'on a répondu à ta question, du coup, Jacques. En fait, c'est le jeu qui est surtout compliqué. Mais bien sûr, c'est pas facile. Mais chroniqueur, je pense aussi. Mais le jeu. T'as assuré, Jacques, mais ça ne suffira pas pour battre Laura, qui est notre grande gagnante ce soir. Bravo, Laura. Bravo, Laura. Alors, non, je peux devenir chroniqueuse. Ah, mais voilà, tu deviens la chroniqueuse officielle. On t'appellera Laura la chroniqueuse. Félicitations en tout cas. Et Mathieu. Oui. Ça va, Mathieu? Je fais avec, hein. Ouais, voilà. T'as pas le choix, hein. Mathieu, 0, mais c'est pas grave. Et puis pour Jacques, c'était 1,5 point. On a été sympa. Il avait dit God. C'était God Michel, quand même. Hein. C'était God Michel, mais c'est pas grave. Victoire de Laura. Tu repars avec les 100 euros de chèque cadeau à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. On vous fait des gros bisous. Salut Mathieu, salut Laura. Salut. Salut. Et nous, on va partir en week-end. Ah ouais, déjà. Ça y est, gros week-end qui se prépare. Alice, tu rentres à Metz, toi, ce week-end? Oui, c'est ça. Demain, réveil 8h30. Donc, j'espère que je ne vais pas le louper encore. D'accord. Et toi, tu vas faire quoi, ta doc, ce week-end? Il y a une petite soirée samedi soir. Une petite soirée où on met des capotes ou pas, doc? Non, c'est pas ça. On les enlève. Et vous avez fait vos cadeaux de Noël? Ah bah, moi, je suis en plein dedans. C'est-à-dire que j'ai 17 cadeaux. Il ne m'en reste plus que 3. Moi, je vais commencer les cadeaux de Noël. C'est pas trop tard. Hein. Bah, un peu quand même. Bah, comme ça moi, va. Je pars la semaine prochaine. Du coup, c'est déjà fait, envoyé, reçu. C'est vrai, tu nous as acheté quoi, Doc? On n'a rien reçu. Alors, on n'a rien reçu encore. D'accord, ok. C'est le malaise. Non, j'ai rien. Cassine, tu vas faire quoi ce week-end? Moi, demain soir, je vais sur le toit de la Grande Arche. Ah bah oui, grande soirée Fun Radio, ouais. C'est vrai, grande soirée Fun Radio, party fun, voilà, pour terminer cette semaine du Christmas Tour. Coco et Méloge, vous faites quoi vous les amis? La même chose. Voilà. Pareil. Ok, super. Et Adri, tu y seras toi aussi? Ah bah... Demain soir, je serai, oui, enfin même ce soir, puisqu'il est déjà minuit, donc nous sommes déjà le vendredi 14 décembre. Tout à fait. Je serai là à cette énorme soirée. Ah bah oui, tu vas mixer un peu. Il y a des gens qui se posent la question, savoir est-ce que c'est en intérieur ou pas. On va pas avoir froid, hein, même si on est à 110 mètres. C'est à l'intérieur, ce sera chauffé. L'Arche de la Défense. Cool. Vous pouvez venir, voilà, c'est sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense. Hésitez surtout pas, je pense que ça va être une très bonne soirée. Venez trop tôt. Ouais, à 18h30, et moi je suis dead là, c'est un truc de fou, j'ai même pas parlé. Non, mais c'est le froid, mais ça me rend. C'est la vie de DJ. Ça me rend. Enfin, te fous pas de ma gueule, hier soir c'est pareil, t'as fait une émission, tu savais plus comment parler. Attends, ça va. Excuse-moi, je me moque pas de toi, c'est vrai que t'es un petit peu en souffrance, en difficulté. Mais ça c'était ma chine. À la fin de l'émission, c'était pas au début. Alors, sur ce, on vous laisse avec Adrien Thomas. Cette émission va commencer. On ne sait pas si elle va se finir. Je vous le dis, restez avec nous sur Fun Radio. Qu'est-ce qui va se passer ce soir dans l'émission, Audrey? Minuit 2. Ça veut dire que depuis 2 minutes... Non mais attends, je t'explique. Depuis 2 minutes, le nouveau morceau de Martin Garrix est sorti. Oh, il s'appelle Glitch, il est devant moi et je vais appuyer sur play juste après l'intro. Donc restez là, c'est le morceau avec lequel je démarre. Il vient de sortir, bam, déjà sur Fun. Bravo et Adrien, vive. Adrien Thomas sur Fun Radio jusqu'à 1h du mat, party fun. On se retrouve dimanche soir en direct dès 22h. Salut tout le monde et à dimanche. Bisous. Ciao. Open your eyes for a new reality. Feel the beat. You're gonna live a magical night. You will discover a new sensation. Party fun.